Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Je pense que c'était le moment le plus malaisant de l'histoire du podcasting, ça. Je sais pas, moi je suis confortable dans le silence avec j'essaie d'entendre c'était quoi le bruit que soudainement j'entends genre dans le micro, on dirait qu'il y a un party très loin. Hein. Ou un combat d'écureuil. Je sais pas. C'est selon. On est à Laval. Ça sonne pareil. N'importe quoi peut arriver à Laval. À Vimont. À Vimont, represent. Bienvenue à l'épisode 44 du Geek Collectif. Mon nom est André Paquette, accompagné de Jonathan Milter et Éric Hébert. Oui, bonsoir, oui. Messieurs. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Ça va bien? Oui. Éric, grosse très semaine, bien. Toi? Oui, toujours. Oui, célébrer deux fêtes nationales, c'est toujours le fun. Deux fêtes nationales? Oui. Ah oui, c'est vrai. Mais non, ah, c'est vrai, il y avait une semaine d'intervalle. Dans la dernière semaine, on pourrait dire à peu près. Le genre de fête nationale que le bureau reste ouvert le lundi, mais ferme le mardi, fait que ta semaine est toute décrissée après. Oui, bonne chance, je travaille pas dans un bureau. Oui, effectivement. Éric, il y a déjà des horaires assez décrissés, si on peut dire. Fait que... Mais non, c'est ça, là, une couple de petites célébrations comme ça. On est en... C'est vraiment une période weird, cette période-là. Hein. La période, genre, la Saint-Jean, puis la fête du Canada, slash déménagement, comme tu veux l'appeler. Là. Mais on dirait que c'est comme un deux semaines, comme... Ben toi, Milter, je sais pas, là, ton dernier deux semaines, c'était pas le bon exemple, là. Je sais que t'étais à la Beauce. Ouais, mais, c'est ça. Mais quand en job, je sais pas, c'est weird comme deux semaines, t'as des journées fériées, mélangées, tu te sens en vacances tout le temps, mais tu l'es pas. Ben, c'est comme tu dis, là, c'est un peu weird. C'est comme le temps des fêtes, tu sais, c'est la fin de l'école, c'est ben, la fin, c'est de, ça, le début des vacances pour du monde, le début du temps chaud, le début des horaires d'été pour le monde qui travaille dans les bureaux. Fait que, oui. Ben, mais aussi, c'était le premier du mois, puis on a eu d'autres jeux gratuits sur Xbox Live pour moi. Oui. OK, je pensais que ça allait d'une autre direction en disant fête nationale les premiers du mois. Ben non. On a eu un chèque, puis non. <C'est okay. rire> On a acheté 3-4 caisses de 24 de Black Label extra forte. Je me suis fait spécifier trait de bonheur dans notre jeune carrière de quasiment 2 ans de podcast, pas de politique. Fait que c'était une bonne journée off, hein? Oui, effectivement. C'est ça. Mes nouvelles, je sais pas si on embarquait les nouvelles, c'est pour ça que tu m'avais lancé ça vers moi. Ben écoute, en fait, moi je faisais juste de la formalité, ça faisait longtemps que je t'avais pas vu, je voulais savoir qu'est-ce qui se passait avec toi. Ça va bien. Mais si tu veux y aller dans les nouvelles, tu peux te lancer dans les nouvelles, Éric. Ouais, mais j'ai une couple de petites choses, j'étais pas trop sûr. La première affaire, je pense que Milter va pas te chimer là-dessus, hein, mais j'ai vraiment trippé un petit peu sur... Guacamelee, là, qui est gratuit, que j'avais déjà en passant sur Steam, là, je l'ai acheté comme pas cher là, longtemps. Qu'est-ce que Guacamelee? Guacamelee, man, c'est un jeu de combat, slash plateforme, slash vraiment chiant, puis des mécaniques très frustrantes que tu peux sentir qui vont venir vraiment te faire chier dans les prochaines 2 heures. Puis okay. C'est le feeling que j'ai, là, mais je m'amuse. Okay. Je m'amuse à me frustrer dans ce jeu-là. Il y a des C'est comme la mécanique est très weird là. Si je te, on va dire, regarde, t'as 4 special moves. T'as un uppercut rouge, t'as un slam vert, t'as un headbutt jaune, puis t'as un autre violet, je pense, quelque chose que j'ai pas encore. Puis en plus de ça, tu peux contrôler genre entre la vie et la mort. Fait que c'est un peu, je sais pas, c'est comme un jeu mexicain là, tu sais, à la, c'est comme, je sais pas comment expliquer. Ils aiment bien la mort, les Mexicains, hein. Comme oui. Il aime vivre. Ben, je pense pas qu'il aime ça, mais il respecte beaucoup. La culture mexicaine. La culture mexicaine, ouais. Ils ont vraiment un trip là-dessus. Puis Guacamelee, c'est vraiment ça. Tu joues un lucha libre, là, lutteur revenu de la mort. Attends. Guacamole, mêlé lutteur mexicain. Oh! Calvaire. Mind blown. Ouais. Puis c'est la version Super Cruel Fragilistic Espialidocious. Moi, c'est ce que je voulais savoir. Tu sais quoi qu'il y a de plus que la version. C'est quoi PS Vita, je pense, que le jeu. original de... Il y a plein de DLC qui étaient disponibles. Il est déjà inclus dedans. Là, ouais, dans ouais, c'est ça. Tu l'as tout dans le kit. Okay. C'est pas mal tout ce qui est sorti dans ce jeu-là. D'une shot, Guacamelee. Gratuit en plus. Exactement. Ça, ben, je suis sûr que Microsoft ils ont payé pour dire garde le launch, le jeu gratos. C'est un peu comme ils font. On a eu des belles explications de Yannick l'autre fois de ça, comment est-ce que les compagnies font ça un peu. Là. Ils te bookent puis ils te payent pour un mois, genre, puis c'est une bonne valeur. Je suis pas sûr que c'est ça qui est arrivé au studio. Probablement. Mais c'est vraiment, vraiment le fun. Puis comme je te dis, les mécaniques sont vraiment chiantes. Parce que comme le uppercut rouge, tout ça, c'est puis vert, tout ça, les couleurs, ça a un meaning. Parce que non seulement est-ce que t'as ça, mais tu peux switcher de la vie et la mort. Fait que t'as un monde où ce que tout le monde est vivant, puis tu sais, tout le monde, c'est normal. En couleur, c'est en couleur, puis l'autre est en noir et blanc. Mais c'est un petit peu plus sombre, mais ouais, les gens sont des squelettes, ou comme t'as des petites histoires qui sont cool dessus. Mais la mécanique, c'est toutes des choses que tu peux switcher on the fly. Fait que des fois, faut que tu switches de le monde des vivants au monde des morts, juste pour faire certaines plateformes. Il faut que tu switches en faisant un uppercut, en faisant un switch, en faisant un jump. T'as des affaires vraiment frustrantes comme ça. Puis les combats deviennent vraiment fucked up parce que t'as les bonhommes qui sont dans le monde de la mort, qui sont en ombre, puis que si t'es dans le monde de la vie, ils peuvent quand même t'attaquer, mais toi, tu peux pas l'attaquer, mais ils sont dans le monde de la mort pendant que t'es dans le monde de la vie. Puis faut que tu switches de un à l'autre pour les battre, puis comme t'as comme deux niveaux de shit qui se passent. Puis, en plus de ça, là, c'est la nouvelle mécanique que j'ai vue environ 2h30 dans le jeu. Là, c'est qu'ils ont décidé de faire des bonhommes qui ont des shields. Fait qu'ils ont soit des shields rouges, jaunes ou verts. Fait que tes special moves, t'as besoin de péter les shields avant de les battre en switchant dans un autre monde, en te battant. Puis je suis même pas rendu loin dans le jeu, je pense. Puis je pense que ça va devenir encore plus fucked up. J'ai hâte d'être... Moi, j'ai déjà pogné les nerfs, moi. Ben, des fois, des jeux, t'aimes ça de pogner les nerfs. Puis moi, c'est le genre de jeu que... tant que c'est le fun à te pogner les nerfs, j'aime ça. Puis à date, man, je m'amuse au bout, je suis bien content. Puis j'avais donné une bonne shot au PC, mais on dirait que j'avais pas embarqué. Je m'excuse, là, t'as le mécanique de t'asseoir sur le divan, puis d'être confortable dans ton salon, je trouve ça l'ajoute. Puis à avoir tes achievements, des affaires comme ça. Fait qu'on dirait que ça motive un petit peu plus. Puis c'est drôle, le premier boss que tu tues, tu arrives, t'es comme shit, c'est un gros boss, qu'est-ce que je fais? Tu sautes par-dessus. Puis t'as une axe, puis t'es comment, je vais aller pogner la axe. Mais quand tu pognes la axe, qu'est-ce qui arrive? Tout son parterre disparaît. Le gars, le gros monstre, il tombe dans le feu. Référence. Pareil comme dans Blaster Master. Puis là, après ça, tu vas un petit peu plus loin, puis t'as la fille qui est comme, en passant, ta princesse, ben, dans un autre château. Oh, pas comme dans Blaster Master. Il y a plein de références. Un autre, là, moi, je l'ai vu tout de suite, là, ça, là, quand tu pognes ton uppercut rouge, là, au début, là. T'as vu que c'est une statue, genre? Ouais. La statue, c'est quoi? Ben, c'est la Metroid, ouais. C'est exactement la même statue, type de Metroid qui tient une boule, genre, là, qui tient ton arme. Fait que la Morph Ball, dans le fond. Genre, là. Mais t'as pète. T'as pète à la place, t'exploses la statue comme un malade, puis l'autre dos d'à côté, il dit comme, pourquoi t'as pété ma statue, là? T'étais pas obligé de la péter au complet, là, juste prendre la boule, c'était correct. Ça te tentait pas de juste faire que c'était venu faire, c'est ça. Mais le dude, en passant, c'est comme un dieu, un genre goat de Yoda, man, mais qui se transforme en goat, puis qui revient comme... Il est assez drôle, mais t'avais fait, c'est toi que t'avais vu la description du jeu. Oui, dans le jeu lui-même, mais c'est une catégorie de jeu, dans le fond, comme quand le monde dit des shmups, là, ou quelque chose, là, ben c'est un Metroidvania style platformer qu'ils disent. Puis c'est le jeu c'est même qui se décrit ça, de même, parce que c'est exactement Metroid, dans le sens que la map est ouverte, là. Sauf qu'il y a des places où tu pourras jamais aller parce que t'as pas telle arme, t'as pas tel missile, t'as tel pas move, tel morph etc. ball ou quelque chose. Puis Castlevania, parce que Castlevania, mais tu ramasses des nouvelles armes puis du gear que t'achètes. Mais aussi, tu changes dans certains Castlevania, tu changes entre le jour et la nuit, qui est le côté des morts et des life and death, ouais, là, en tout cas. Ouais. Mais il y a plein de jeux qui sont supposément Metroidvania style à Star, là. Puis comme moi, un au Xbox 360 qui me fait penser un peu à ça, mais différent, c'était Shadow Complex. J'ai bien aimé Shadow J'sais pas Complex. Si c'est ça t'avais c'est joué. C'est vrai que ça, c'était très Metroid. Puis quand tu y penses, le monde n'est que c'est ça, mais c'est un Metroidvania style game. C'est carrément ça quand tu y penses. À un moment donné, t'avances plus, puis tu vois les couleurs que tu fais comme, OK, il me faut tel missile pour péter telle affaire. Puis à un moment donné, tu fais... c'est Metroid avec un skin d'explorateur industriel, si on peut dire. Là, explorateur industriel. Ben non, mais tu sais. Il fait du urbex. C'est drôle. C'est de l'exploration, mais il photographie la nature morte. C'est comme Uncharted en 2D. Là. T'as jamais joué à Shadow Complex? Parce que c'est ça que c'est. Le gars avec sa blonde, il est en train de chiller, puis aller dans les cavernes, prendre la photo, puis shit is the fuck. Il tombe sur la base des méchants dans James Bond, genre. Là, t'sais, comme, what the fuck? Ils ont construit dans une montagne, genre. Dans le monde de jeux vidéo, tu sais, le gars, il fait du urbex, puis la pire affaire qui arrive, c'est qu'il kidnappe sa blonde, puis il découvre qu'il y a des super pouvoirs, puis telle affaire. Pis dans la vraie vie, c'est genre, le deuxième étage s'écroule sur toi. Pourquoi pas, man? En passant, dans Guacamelee, tu te transformes en poulet aussi, éventuellement. Ouais, j'ai vu ça. Tu pognes le polo power. Puis comme pas... ça, c'est pour aller dans les petites crevasses, là, les Y a un Mexicain qui a fait ce jeu-là, ou je l'appelle raciste tout de suite? Non, c'est des références, juste, c'est toutes des références de jeux vidéo ou des culturelles mexicaines. Un Mexicain qui a un poulet, c'est très culturel. J'avoue que ça peut être considéré des fois des préjugés. That's racist! Si on fait un jeu de black qui sauve des melons d'eau puis qui pogne du jus mauve pour avoir d'énergie. Wow, mais c'est pas chaque attaque, ça, déjà? Ou... chaque fou deux qui sort dans pas long. Mais ok, cool, fait que dans le fond Il y avait une c'est ça, il y avait une pancarte en passant, j'aimais, il y a des, en parlant des références, il y a un genre de billboard dans Guacamelee parce que tu vois genre Goat Simulato. Nice, fait que font des références à la pop culture. Man, il y a c'est vraiment là, comme le jeu, j'y avais donné une petite chance, mais là j'y ai donné une vraiment bonne chance. Puis ça c'est nouveau quand tu y penses, ta référence là, parce que Goat Simulator c'est vieux, c'est de ça, même pas deux mois, puis le jeu il est sorti l'année passée sur PS Vita, fait que ils ont vraiment rajouté des affaires. Ouais, mais le meme, ça faisait longtemps que Goat Simulator, le meme était en circulation, par exemple. Parce que le jeu a parti d'un meme. Ouais, non, mais. Peut-être que c'est basé sur le meme. Je pense Guacamelee. Peut-être. Mais il faudrait checker ça, là. Mais anyway. Si on... Ben, sûrement à suggérer, là, si vous avez un Xbox One ou Steam, c'est gratuit, vous pouvez l'acheter pour 3$. C'est gratuit. C'est vraiment écœurant comme jeu. Très le fun. Je suis embarqué dedans. J'ai streamé un peu aussi, là. Nice. À Rager en jouant. Puis j'aimais bien ça. Puis. C'est ça. Petite parenthèse, parce que. Ben, pas de trouble. Ben vite, avec qu'est-ce que tout tu dis, là, parce que c'est les jeux gratis d'Xbox One, OK? Ouais. C'est-tu moi qui trouve ça juste louche que le premier mois, qui était juin, on avait Max and the Curse of Brotherhood, puis Halo Chose. Ouais. Et on a encore Halo Spartan et Max, mais ils ont rajouté Guacamelee. Ouais. Mais c'est pas supposé être deux jeux, dans le sens qu'ils ont-tu fait comme « Ah, fuck, on n'a pas deux à donner ce mois-ci, on va en donner avec un, hot, vraiment hot peut-être, mais on va garder les deux autres, puis moi personnellement, ça me fait un petit peu chier. » J'ai l'impression en ce moment que Microsoft, leur Games for Gold sur Xbox One, ils le font un petit peu plus vite, je pense pas qu'ils s'attendaient à faire ça dans les derniers six mois. Je pense en plus qu'ils sont en train de sérieusement reformuler toute leur attaque à cause qu'ils veulent pas être pris trop en arrière avec Sony qui prend des avances. Fait que je pense que c'est juste ça, le Max puis l'autre, puis Spartan, c'est leur propre jeu. Fait que c'est un petit peu plus gossant à négocier d'autres choses avec d'autres compagnies de jeux. Puis Guacamelee, ils ont clairement acheté le jeu, puis on dit laisse-nous le releaser free for gold pour le premier mois. Moi, je pense que c'est un très bon move. Puis il y en a, sur Xbox 360, il y en a sorti deux autres aussi, Il y a Gotham Imposters qui est weird parce que c'est déjà free to play sur PC. Ouais, ça, hein, lui, c'est un bout qui avait viré free to play. Ouais, lui, ouais, mais pas sur Xbox 360. Puis tu sais, pendant au moins un mois, ça va être vivant sur 360, ce jeu-là, à cause qu'il est gratuit. Là. Ouais, moi, je l'ai acheté il y a comme deux ans. Hein. Puis je pense que j'ai joué deux fois. Mais oui, puis je l'ai payé en plus. C'est louche de Microsoft, là, mais je pense qu'ils sont en train de tout mettre. Ils sont dans le mode on vous a écouté, voilà tout le cool stuff avec Xbox, puis Kinect, on est hot. Mais moi, je m'en fous un peu de cette guerre-là, mais c'est bien je suis bien content avec les résultats. Ah, j'étais juste un peu déçu qu'il y ait un seul jeu. À moins que dans deux semaines, qu'ils fassent la formule Xbox 360, là, puis qu'à toi et deux semaines à la place, change de jeu. C'est d'autres choses, mais tu sais, c'était comme des belles paroles il y a un mois, puis tout de suite, il change ça à ça. Là. Je dis pas si c'est après un an, comme ah, OK, on en met juste un parce qu'on est mal pris, OK, ça peut passer, mais deuxième mois, OK. En tout cas, c'est ça. J'ai vu Transformers aussi, mais on va arriver à ça tantôt, je pense. On va en parler tantôt de Transformers, je suis pas mal sûr. Ah ouais? Ouais. Il y a des petites bonnes chances. On risque de parler de cinéma. Tu sais pas? Ben non. En passant, on est au Guy Collectif, le podcast, présentement, Milton. Oh! C'est diffusé sur Internet. Malaise! Tu fais ça depuis 43 épisodes. C'est déjà 43, c'est vrai. En fait, c'est 44 aujourd'hui. Ouais. Mais okay. Pendant ce temps, Milton... Dans le fond, j'ai comme tout oublié ça parce que moi, j'étais à Woodstock la semaine passée. Et en Beauce. C'est ça, je m'en allais clarifier parce que j'ai pas fait un voyage dans le temps pour aller il y a 40 ans... 45 c'est même. C'est pas en 94 qu'il y avait un Woodstock, anyways, à Green aussi, Day. Aussi, ouais. Ouais. Moi, j'ai vu celle en 99, no joke. J'étais là. T'étais là à là New en York, moi, ouais. Pendant que le feu a pogné à Red Hot Chili Peppers pendant la Toon Fire. Cool, tout sur pay-per-view c'est en plus. C'est pas moi qui l'ai parti. Mais dit, pendant, c'est bien cool, pendant le feu, il a pogné. Puis, oh. Ouais. Non, j'étais là. C'est la seule affaire que je regrette bien vite, c'est que j'avais 19 ans, fait que c'était touché aux États-Unis. Légal ici, pas légal là-bas, fait que je peux pas acheter de bière aux States, c'est plate. Fait que, en tout cas. T'avais-tu un flasque? Même pas. Pas de flasque? Même pas. Oh. 50$ de 3,5$ US. Ça fitait pas dans tes baggy shorts? Non. Ça, c'est un podcast de 2-3 heures à lui tout seul, ouais. Toutes mes expériences du vrai Woodstock. Ben, le vrai, 99 en tout cas. Woodstock mais, en Beauce. Là, c'était Woodstock en Beauce. Puis, comme certaines personnes savent, je vais pas mal là à toutes les années parce que un ancien patron à moi qui est un ami. Un très bon ami, on se connaît depuis que j'ai 15 ans, j'en ai 33, fait que des bons amis. Lui, il s'occupe de la marchandise officielle, si on peut dire, de Woodstock en Beauce à tous les ans, parce que c'est un épique vendeur, le gars, et un gars qui sait comment runner une tente puis un kiosque, si on peut dire. Puis, il me demande tout le temps de venir lui donner un coup de main en échange de passes VIP pour Woodstock en Beauce et des lunchs payés et de l'alcool et plein d'autres affaires passionnantes qui se passent là-bas. Mais c'est, parlant de ce qui se passe là-bas, là, juste rapidement, là, c'est, Woodstock en Beauce, c'est quoi? En gros, là, c'est 5 jours à peu près au total. 3 là-dedans qui sont concentrés sur des shows de musique, si on peut dire, et du camping, dans le fond. Okay. C'est des gros terrains de camping. Puis, dans la journée, ben, y a des activités, il y a des shows de musique, des gros bands, là, comme cette année. OK, c'est pas mes bands à moi là, préférés, mais être franc avec vous autres, là, mais il y avait comme Papa Roach, Rise Against, c'est quand même cool, les Trois Accords, des bands québécois, pareil, oui. Louis-Jean Cormier, là, le monde qui écoute la voix puis ces affaires-là, là, le gars que personne connaît à ce show-là. C'était quoi le commentaire que t'as mis sur Facebook de Louis-Jean Cormier là, que la fille a dit? Ou... Ah, OK, il y a une fille que... connais un petit peu, genre, de vue, parce que j'ai un visage connu, puis il y a du monde qui me reconnaissent, puis qui me parle. Fait que là, tu sais, moi, je fais mon social, puis j'ai demandé à la fille en question, je dis, hey, qu'est-ce que tu fais, tu sais? Elle dit, ben, je m'en vais voir le show de Louis-Jean Cormier. Puis elle avait comme un ton un peu désespéré dans la voix. Fait que là, je suis comme, ok, pourquoi tu vas voir un show de Louis-Jean Cormier? T'as pas de l'air motivé plus que ça à aller le voir. Elle dit, ben, j'aime pas vraiment sa musique. J'aime pas plus le gars tant que ça, mais il y a un gars en train de sucer un autre gars direct à côté de ma tante, puis je me sens mal de rester là, fait que je vais subir le show de Louis-Jean Cormier à la place. Puis elle est partie. fait que t'es en train de me dire que frapper avec un choix déchirant d'assister à une pipe. Une pipe homosexuelle. Entre homme consentant. Ouais. Ou aller voir Louis-Jean Cormier. Elle a décidé de prendre Louis-Jean Cormier finalement, mais c'était un peu à reculons son affaire, disons. C'était, je pense que c'était vraiment parce que l'autre situation se passait comme à moins de 2 mètres de sa tente. Là. Puis l'autre gars, il a décidé de prendre Louis-Jean Tremblay. Lui. Je sais pas. Mais en tout cas, c'était comme un moment spécial de ma semaine. Ça met en perspective le monde qu'il y a là-bas aussi. Ben ça, puis beaucoup de monde venait me demander... gratuitement, ouvertement, comme ça, des affaires comme, je vais utiliser des termes utilisés directs comme, t'as-tu de la dope? Fait que, c'est large comme terme aussi, je trouve, là. T'sais, fait que, se faire demander ça sur un quotidien, c'est spécial. Le monde sont incroyablement pas à jeun là-bas, genre. Pis c'est-tu là que tu sortais tes CD de dope pis de slaves en dope? Tu faisais comme, hey, en passant, non, mais j'ai eux autres? Ou... Ça marche pas. On a déjà essayé dans le passé. Ah. Mais non, mais c'est, en gros, c'est ça, là. Genre, j'ai passé ma semaine à Woodstock en Beauce à regarder le monde triper pis. Moi, pendant ce temps-là, ben, je m'arrangeais à donner des t-shirts au monde pis. Pour mon ami, cool. Puis le soir, ben, j'allais voir les raves, puis ces affaires-là. Là. C'était bien drôle. Je me mettais un morph suit mauve, puis j'allais faire peur au monde des raves. Fait que c'était... Mais c'est ça, excuse-moi, il y avait des... Comme t'as les shows, puis t'as des l'horaire, raves. Là, sérieusement, là, si tu prends pas ton terrain de camping assez loin du stage, si on peut dire, là, oublie ça, man, tu veux mourir, là. Moi, ma tante était à comme 150 mètres, même pas. En moins d'une minute et demie, je sortais de ma tente puis j'étais rendu un rave. C'est ça que tu me disais qu'il fallait que tu mettes des bouchons. Tu mettais des copes par-dessus. Des bouchons comme en mousse, si on peut dire, là, qui sont comme dans mes oreilles puis qui gonflent puis qui prennent la place. Puis par-dessus, je mets des copes de construction que les gars mettent quand ils font du jackhammer, là, du marteau-piqueur. Ben, je mets ça par-dessus mes autres bouchons. Fait que la seule affaire que j'entends plus rien. Malgré que cette année, les raves étaient plus proches de moi, fait que j'entendais un petit peu les lyrics des tunes, puis ça me faisait chier. Mais je sens comme le plancher vibrer. Là, fait que t'as entendu comme... souvent les mots baby, party, dance. Ça, puis summer. Summer, ouais. C'était ça, aux oreilles. Ça, c'est le bout que tu tasses ton cup. Summer, selfie. Summer, baby, dance. Oh. Ouais, ça ressemblait à ça, le pain, certains soirs. Mais pour répondre à Eric, là, en gros, là, les shows commencent quasiment à 1h. Un RPM? Après-midi, juste après-midi. Okay. Là. Les shows commencent à juste après-midi. Là. Puis ça finit à... Le dernier DJ embarque à 3h30 du matin. Puis il joue pendant au moins 1h, 1h30. Fait qu'à 4h30, 5h. Ça, c'est si l'horaire est suivi à la lettre. Généralement, il est suivi à la lettre. Mais tu sais, un petit 10-15 minutes d'en retard, ça paraît des fois 5h15 à place de 5h. Tu sais, c'est con à dire, là, mais... T'as bien dormi pendant ta semaine? Ben, en gros, tu te couches à 4h du matin puis tu te lèves à 8. Puis ça pendant 5 jours en ligne. Puis après, tu t'en vas te mettre en file d'attente pour prendre une douche, file d'attente pour déjeuner. Au moins, il y a du Wi-Fi. Attends, il y a du Wi-Fi. OK, mais c'est une échelle Wi-Fi. Attends un peu, là. Si tu le comparais à un champ de citrouille, Ottawa Comic-Con... Oh, hey. Le Wi-Fi se situe où là-dedans? Sérieux, hein? Il était fort, mais pour une raison. OK, pourquoi? Parce que moi, j'ai une passe VIP, tu sais. Okay. Fait que tu te mets chum avec du monde là-bas. OK. Fait que tu te fais donner le Wi-Fi journaliste 1. OK. Avec le mot de passe Woodstock 1. Peut-être encore valable l'année prochaine. Si vous y allez, je le sais pas. Ben, tu sais, c'est comme un Wi-Fi qui est comme pas de la merde. Tu sais, c'est pas pour le petit peuple. Tu pouvais streamer ton porn dessus. Ben, ouais. Tu peux avoir du bon streaming HD, si tu veux, sur ton téléphone. Avec tes bouchons, tes copes. En plus, tu le mets plus fort vu que t'as pas... C'est ça, vu que t'entends rien à cause de tes bouchons, tu mets le son plus fort. Mais ça marchait super bien. Pas de trouble. Wi-Fi incroyable. Ça allait bien sérieux, là. Mais ça doit être comme je dis, parce que j'avais le mot de passe. C'était des médias, parce que je m'ai fait chum avec du monde de radio de Québec. Puis Dieu sait que du bandwidth, c'est important pour pouvoir publier sur Instagram puis faire des vidéos Facebook. Ça l'aide, Ouais, ça va plus vite, disons. Là. T'avais dit que t'étais pour disparaître de l'Internet pour une semaine. C'était pas le cas. Ben, j'ai disparu pas mal quand tu y penses. T'avais pas la même présence, mais ta présence était quand même marquée. En 5 jours, j'ai posté comme 3 photos. Pis c'était 3 bonnes photos. C'était 3 bonnes. C'était Jésus au guichet automatique, un dude de 40 ans habillé en Pikachu, puis l'autre, c'était quoi, non? C'était toi en morph suit à côté de toi. Ah oui, moi en morph suit. Non, ça, je l'ai pas posté public, mais j'avais juste envoyé à vous autres. Fait que t'as jamais envoyé ça, vrai, cette photo-là. Ça n'existe pas, cette photo-là. Elle n'existe aucunement, cette photo-là. Ah, l'autre, il dormait, oui. Il s'est à côté en revenant du rave. J'ai dit, t'es merde dans la merde directement, toi. Ça me dérange pas. Mais, gars, je suis fier propriétaire d'un morph suit. Puis, ça, c'était drôle. Petite anecdote, nowhere. Pendant que j'étais dans un des raves, il y a un dude qui est venu me voir, puis le gars, il était vraiment pas à jeun, puis il me l'a même dit, là, je vous mentionnerai pas absolument tout ce qu'il m'a dit qu'il a pris, mais c'était beaucoup de choses. Plusieurs dont j'ai jamais touché de ma vie, fait que ce gars-là est comme la chose la plus proche de toutes ces affaires-là qu'il a pris pour moi. Mais en tout cas, il est venu me voir, puis il m'a juste murmuré à l'oreille, il dit « Man, c'est-tu vrai la lutte? » Puis j'ai regardé le gars, mais au travers de mon morph suit, puis j'ai dit « Entre toi et moi, c'est pas vrai, mais on fait comme si c'est vrai. » Puis le gars, il est parti à pleurer, puis il m'a pris dans ses bras. C'est-tu là que t'as sorti ton gant de crin, puis tu l'as massé? Ses larmes étaient sincères. Attends. Je te jure, il m'a pris, puis il a dit « Pourquoi tu me fais ça, man? » Puis après, ben, il a passé au-dessus d'une heure à côté de moi, dans le rave, en arrière de moi... avec des amis. Tu sentais-tu en sécurité pendant que le gars que tu venais de détruire son rêve de jeunesse de lutte? J'étais avec d'autres amis, là, okay. Parce que quand je vais là-bas, on est comme une gang de... Oui, mon ami qui a le kiosque, dans le fond, il pogne tous ses chums. Puis c'est du monde, on se connaît tous depuis longtemps. Fait que, tu sais, c'est comme un peu une reunion pour nous autres quand on va là-bas en même temps. Fait que, j'étais en sécurité. J'avais du monde qui savait qu'est-ce qui se passait autour de moi. Puis eux autres trouvaient ça très drôle, pareil. Mais en même temps, ils étaient comme, on le check, on sait pas qu'est-ce qu'il fait. Puis justement, un de ces chums-là qui était avec moi, là, tu sais, on dansait dans le rave, on niaisait, puis tout. Puis un moment donné, il vient me voir, il dit, là, Milter, il dit, il y a trois filles en arrière, là-bas, avec le dude qui te parle de lutte, là, parce qu'il y avait sa gang de chums, là. Puis les trois filles sont en train de comploter, puis sont en train de dire... On le dézippe-tu pour voir c'est qui, genre. Fait qu'eux autres, ils planifiaient à me sauter dessus pour dézipper mon morph suit en gang pour savoir j'étais qui, genre. T'aurais dû faire le truc. N'importe qui, là. C'est ça, le mystère. Il y a 100 000 personnes, là, sur un terrain de camping, là. Je peux être le gars qui est dans leur, à côté de leur tente, comme je peux être n'importe qui, là. Comme tu peux être un des chanteurs des trois accords. Je peux être le chanteur de Papa Roach, man. C'est peut-être moi. Qui vient de dire à l'autre gars, que la lutte, c'est pas vrai. Pour scraper en plus, sa vie. Puis... Fait que, en tout cas, c'est comme plein d'anecdotes, le fun de même. Wow! C'est spécial. C'est Woodstock en Beauce, là, c'est... Puis c'est de quelle date à quelle date, Woodstock en Beauce? C'est tout le temps à fin, après la Saint-Jean, juste avant la fête du Canada. Fait que, tu sais, cette année, c'était genre... pour moi, c'était du 25 au 29, là, genre. Là, mais 24 même, là, je suis parti le jour de la Saint-Jean. Quand là, le monde roule ses fiumes de la bière de la Saint-Jean. Exact, là. Mais c'est encore pire là-bas, ils roulent sur bien d'autres affaires mélangées ensemble, je te dirais. Merci, Milter, pour cette anecdote Allez, savoureuse. Là, c'est pas geek, là, c'est pas gros, mais... On recommande? Ouais, ouais, ben gars, pour les geeks de musique ou pour les geeks de camping, si ça existe, là, j'imagine que ouais. Ben, écoute, un geek de camping, ouais, ça doit exister. C'est les magasins, là, la cordée, ça existerait pas s'il y aurait pas de geek de camping. C'est un très bon point. Écoute, faudrait faire un épisode spécial camping, vie sauvage, et etc. Là. Cool, ouais. Je m'en vais camper, moi, dans 3 semaines. Au lac Saint-Jean. Au lac Saint-Jean. Hey, c'est vrai, c'est pour ça que tu me parlais du lac Saint-Jean, ouais. Toi. C'est une belle place. Ça. C'est le fun d'aller là-bas. Ben, merci, Milter. Ben, bienvenue. Moi, c'est fade. Hein? Lui, il est allé à Woodstock. Toi, t'as fait un paquet d'affaires joué à intéressantes à Guacamele. Puis moi, j'ai pas fait grand-chose. À part, je suis allé me promener dans la foire marchande de la Chute. Communément appelé Marché aux puces de la Chute. C'était pendant l'autre fête nationale. J'ai fait deux fois, en fait. Parce que la Chute est un... Ben, vous le savez, quand on va à Ottawa, on part tout le temps de podcast à partir de La Chute. Mais il y a également un gros marché aux puces à La Chute. Et c'est weird parce que eux autres, j'imagine, le monde ne doivent pas travailler d'une manière très normale là-bas. Puis je m'excuse si j'insulte des gens de La Chute. Là. En dessous de la table, c'est ça, tu En dessous de la table ou peu importe. Mais c'est ouvert mardi. C'est ouvert mardi là à la Chute. Pour de vrai, c'est ouais. Bien bizarre. Ouais, fait que là, t'arrives là-bas. C'était là, pis... une grosse journée fériée mardi. Ouais, aussi. Mais eux autres, c'est comme l'année longue, c'est le mardi. Là, ah, à part ouais. L'hiver. Là. Mais là, t'arrives là, OK, puis pour ceux qui sont déjà allés au marché aux puces Saint-Eustache, okay, ouais. C'est à peu près deux fois ou trois fois la grosseur de ça. Là. La Chute, c'est deux, trois chute. Fois. Non, le marché aux puces de la Chute. C'est à peu près deux fois la grosseur du marché aux puces Saint-Eustache. Ah, oh, ouais. C'est gros, là. Puis. Ce que j'aime versus Saint-Eustache, parce que Saint-Eustache, tu vas marcher aux puces, tu vas avoir une rangée que j'appelle les rangées de cossins. Ça, c'est mon père qui m'a appris ce terme-là. C'est ouais. les bric-à-brac, les cossins. Puis après ça, tu peux t'acheter des fausses lunettes aux clés, du faux parfum, des faux t-shirts de Sons of Anarchy, des fausses lunettes, des faux parfums, des fausses t-shirts de... Puis tu sais, c'est de même pendant à peu près 8 rangées. Puis une rangée de fruits qui te sépare du parking. C'est ça, exactement. Fait que tu sais, à la fin, c'est genre... J'ai eu chaud parce que c'est en plein milieu d'un parking, puis là, ben, je vais aller m'acheter un fruit avant de rentrer dans le char. Exact. Pour, tu sais, croquer mes fraises puis m'essuyer sur mon t-shirt de Sons of Anarchy Saint-Eustache, je viens de fraîchement acheter. Mais la chute, c'est écœurant parce que, premièrement, il y a bien des antiquaires. Fait que, la chute, c'est 90% de rangées de cossins et peut-être un 10% de t-shirt de Sons of Anarchy, des lunettes aux clés puis des affaires de même. Les articles de base d'un marché aux puces, là, qu'on ben, c'est s'entend. Ça. Là, exactement. Mais sauf qu'eux autres, c'est comme des vrais marchés aux puces ouais. Parce que c'est des vieilles cochonneries. Question, mais si tu... Ouais. Tu sais, à Saint-Eustache, il y a la section intérieure mm-hmm. Puis qui est ouverte à l'année. Ouais. Puis là, il y a extérieur, la chute, c'est-tu pareil? Y a-tu de l'intérieur ou c'est vraiment en fait, tout de l'extérieur? Il y a une ou... genre de grange où c'est les antiquaires que j'appelle antiquaires haut de gamme. Okay? Okay. Eux autres, ils vont avoir, mettons, si tu veux t'acheter une caisse en bois de Coca-Cola, 1940 whatever, ou 1800 whatever, tu peux aller là. Si tu veux t'acheter un vieux radio, le monde a du stock là-dedans. Fait que c'est quand même cool, sauf que c'est là que j'ai découvert que, tu sais, ça fait des années que je travaille en business, mais j'ai découvert que ma blonde a un sens de l'affaire incroyable, parce qu'à bargain like there's no tomorrow, écoute, elle te négocie ça et prix là-dedans, elle, par rapport, puis on a une technique un peu où il a fallu qu'on s'explique, parce que tu sais, on arrive au marché aux puces, puis à un moment donné, ma blonde, elle me regarde, puis elle dit... T'es-tu fâché, tu sais, parce que je te montre des affaires pis t'as l'air de t'en crisser comme dans l'an 40 la quête, pis je dis, ben non, c'est ma stratégie de négociation, moi j'ai de l'air, moi je suis dans mon rôle du chum qui en veut pas d'abat-jour pis qui en veut pas de caisse en bois. Fait comme ça, pis le pays, c'est un moment donné quand on établit ces règles-là ensemble, pis là, gars, ça marchera plus parce que tout le monde de la chute écoute le podcast, mais quand on établit ces règles de base-là, j'avais un mot où je levais le pouce quand c'était de la bullshit, tu sais, voulant dire, je l'aime vraiment ta caisse antique de ginger ale. Puis oui, négocie-la, là, je levais le pouce. Mais si, mettons, elle voulait acheter une autre affaire puis j'étais un peu moins confiant envers ça, ben là, je levais pas le pouce. Il y a du stock là-bas, c'est malade. Okay? Fait que c'est pas rien qu'un tic nerveux que t'as à checker tic nerveux, le pouce de mon, même. Mon pouce, il se lève pas, là. Mais c'est débile le nombre de cossins qu'il y a. Puis t'arrives là-bas, puis il y a des vieilles affaires, puis des vieilles figurines. Puis il y a Carl, justement, qui fait des game hunting. Là. Celui qui tripe ses schmops, oh, ouais. Que j'ai oublié son nom de famille, malheureusement. Mais lui, il m'a écrit après ça sur Twitter. Il dit, hey, y a-tu du stock vintage là-bas? Y a-tu du rétro? C'est là que j'ai remarqué que le monde de marché aux puces, ils se tiennent ensemble un peu, puis ils se tiennent solides. Parce que ces temps-ci, j'y vais souvent, parce que je déménage dans pas long. Donc, on achète des trucs pour mettre à l'appart, des choses comme ça. Puis ma blonde, elle décore super bien un look vintage rétro, là, puis j'adore ça. Là. Puis, il y a un gars qui vendait des cassettes de Nintendo, puis Super Nintendo, qui était à Saint-Eux. Puis là, j'arrive le mardi à la chute. Puis il est là. Puis le gars, il est là, puis je le regarde, puis je fais comme, tu sais, comme un move de main, genre, t'es-tu jamais à quelque part, toi? Puis le gars, il me regarde, il fait, ouais, je pense bien. J'ai pas rien acheté pareil parce que ces petites cassettes étaient bien trop chères. Mais, tu sais, genre, il met un Tetris, mais pas la version de Nubie, puis il est comme, hey, c'est Tetris, c'est 70$, puis fuck you, t'as pas à boire, t'as pas rien. Là. Mais, tu sais, il avait l'air d'avoir des affaires quand même cool. Tout le monde a du swag de Coca-Cola, mais qui disent tout que c'est vintage, mais qu'en réalité, j'ai appris apparemment que c'est des rééditions. Fait que tu sais, t'en as un qui a un cooler qui a de l'air vintage de Coca-Cola. Puis il dit, ah, ça c'est 250$, c'est vintage. Mais en réalité, c'est marqué en dessous Made in China 1984, genre. Ouais. Fait que tu peux te faire fourrer facilement. C'est vintage 1984, c'est 30 oui. ans pareil, man. Ben, c'est 30 ans pareil, sauf d'un autre côté. J'ai eu des t-shirts vintage qui étaient moins vieux que ça. Ben, c'est ça. Sauf que, tu sais, ben, je paierais à total pour, mettons, tu m'arrives, puis, hey, c'est 1920, mettons, de quoi de même. Je sais même pas si le Coke était inventé dans ce temps-là, mais. Il y avait de la vraie Coke dans le Coke dans ce temps-là. C'est ça. C'est dans le temps que le Coke était vraiment stimulant et était médicinal. Mais exact. Mais non, mais il y a beaucoup de cossins, puis honnêtement, de un, je trend au bout sur Instagram avec mon hashtag Thrift Shopping. Là, le monde, il capote bien raide. Ouais. Mais allez faire un tour des marchés aux puces parce que c'est. On a la connotation, puis fiez-vous pas à Saint-Eustache, c'est pas tous des t-shirts de Sons of Anarchy, des lunettes aux clés de cheapette, puis du faux parfum. Là. Il y a des t-shirts vu harnais aussi. Vu harnais, il y en peut-être. A plus de ça, oui. Ben, peut-être ça va faire un comeback. Là, c'est Louis Garneau. Puis, c'est vintage, c'est vintage. C'est ça, exactement. Mais allez faire un tour là-dedans, il y a tout le temps des cossins. Hey, j'ai acheté un coffret de He-Man and the Masters of the Universe. Ouais, j'ai vu ta photo. Man, je capote, OK? Premièrement, le gars, j'arrive là, puis là, c'est marqué 10$ dessus. Puis là, je regarde ça, puis là, je vois comme Castle Grayskull dessus. Puis là, je vais essayer de mettre une photo sur le collectif. Puis là, je fais, oh boy, attends un peu, E-Man. J'arrive, là, je fais, oh, c'est-tu. Il va manquer 3-4 DVD, toute la quête. Puis là, je savais même pas qu'il avait fait ça. OK. La collection, t'as les saisons 1 et 2 de E-Man original. Donc, t'as la collection complète au du complet. E-Man original. T'as The New Adventures of E-Man qui est sorti en 90. Allez sur YouTube, vomissez votre vie, puis découvrez pourquoi E-Man dans les années 90 n'a pas réussi à durer. Je l'ai vu. Hey, c'est comme E-Man est dans le futur, il mais vole il, vient, sur des, il vole des... sur des surfs. C'est un fantastique sci-fi. Ouais, mais c'était déjà un fantastique sci-fi, c'est juste qu'ils l'ont comme rajouté avec un élément de time travel. Ça, c'est le nouveau que tu parles de? Non, ça, c'est pas le nouveau, non, c'est non, celui des années 90. Il y en a un en 2004, je pense. Attends une seconde, il est là-dedans? Là, il est là-dedans, The New Adventures of E-Man. Puis après ça, t'as He-Man and the Masters of the Universe, qui est la version 2000, que celle-là, je l'ai aimé quand même, qui était un reboot du He-Man original. Fait qu'à ce moment-là, tu sais, t'as comme tout ça dans la même boîte, puis un soundtrack. En plus. Fait que là, moi, je fais pour 10$. Ça, là, moi, je me dis, ça doit peut-être valoir plus, mais faut pas t'acheter au marché aux puces en disant ça doit valoir plus. Ta blonde, elle est en train de faire un petit thumb up. Là, ou ma blonde est à côté, puis elle est en train de regarder des plans Pyrex sur une autre table. Fait que j'ai comme un gros 5 minutes à moi pour regarder le coffret des mains. Puis là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Puis là, ma blonde a dit, paye pas 10$ pour ça, négocie. Mais là, moi, je suis emballé dans mon monde de He-Man. Puis là, je regarde ça. Puis là, je vois sur le côté, en plus, un sticker. Puis là, c'est le 4392 sur 15 000. Puis là, je fais... Oh. Puis là, je l'ouvre. Puis là, il y a tout le soundtrack. Puis là, mais là, marché aux puces, j'ouvre ça. Puis je vois le CD du soundtrack. Il n'y a pas une scratch dessus. Là, je fais... Oh, tabac. Là, je regarde les autres CD. Puis il n'y a pas une scratch sur aucun DVD, aucun rien. Là, je fais... Hey, c'est une pogne. Il doit manquer un DVD. Mais je m'en crisse, je la jette. Pendant ce temps-là, moi, je dis au gars, je dis, tu prends-tu 8? Il dit, bah ouais, 8, je le laisse partir. Il y en avait 3 sur la table. Puis t'as ma blonde qui me tape sur l'épaule en disant, Chris de cave, tu y aurais pas posé 7 comme je t'ai dit, puis il l'aurait pris pareil, tu sais. Parce que ma blonde a négocié, puis moi, je suis un tripeux des man. C'est ce que j'aurais fait avec toi. Qu'est-ce que t'aurais 3 fait? 3 pour 20, hein. Ben, probablement. Il y en a 3, je te prends 3 pour 20. Parce que après ça, moi, j'arrive à la maison, tout énervé, je regarde tout, puis là, je check sur le net, puis là, sur le net, ils disent, la saison 2 des He-Man, disent que 3. Le DVD marchait pas, puis là, tu peux appeler à telle place à faire échanger toute la kit, mais tous les DVD sont dedans, il est mint. Je regarde sur Amazon, en usagé. La seule affaire qui me manque, moi, c'est comme le cover en plastique, puis la petite épée dorée de He-Man qui venait avec. Sur Amazon, il se détaille 68,95. Puis c'est, mettons, used starting from. Fait que je fais, hey man, j'ai payé ça 8$. Puis je l'ai au complet. Il me manque juste le petit cover en plastique. Puis j'ai tous les DVD, le soundtrack. Le bonhomme aussi. Le j'ai pas le bonhomme. Ouais, en fait, c'est un épée qui venait avec, mais je l'ai c'est, pas. C'est juste pour les disques. C'est juste les disques. Cool, hey, le box set, puis c'est beau. Là, tu l'ouvres en dedans, puis t'as tout le artwork, puis t'as toutes les générations. Puis... Fait que j'ai acheté une collection des men pour 8$. On a acheté des caisses de ginger ale en bois, des cossins de même. Non, il y a du stock d'un marché aux puces. Allez faire un tour, c'est cool. Puis si vous voyez des robots vintage, parce que là, j'ai peut-être une gang de geeks qui vont aller dans les marchés aux puces et qui vont voir ça. Les crinqués, là, tu veux dire. Là, hein, les ouais. Robots vintage 1950. Là, puis regardez ça. Là, si vous voyez ça, at Uzumaki QC sur Twitter ou sinon sur Facebook, envoyez-moi un message. Je veux savoir où, combien, puis ressemblait à quoi. Puis je veux une photo. Uzumaki QC. Okay. C'est pas ça que j'ai t'as dit. T'as juste dit Uzumaki sur Twitter. Oh my god. Tu vas fourrer tout le monde. Je suis tout fourré. Je suis encore sur mon trip de He-Man. Mais Uzumaki QC, envoyez-moi des photos, puis allez faire un tour des marchés aux puces. C'est cool. Oh, ouais. Allez-y de bonne heure, par exemple, parce qu'à 11h30, ça fesse le soleil. Petit truc, là, puis ouais. Tu m'as fait penser à ça avec ton affaire de thumbs up un peu. Puis en parlant de Carl Robert, là, que tu parles. C'est ça, c'est Carl Robert. Terminarcade, là. Mais checkez ses vidéos sur YouTube parce qu'il fait justement du game hunting, game chasing. Là. Mais eux autres, ils font comme dans les. M'excuse. Okay. Ben, ils vont dans les marchés aux puces, justement, mais qu'est-ce qu'ils. Des garage sales aussi. Ben, là. Aussi, là, ouais, ils font ouais. Tout, là, mais ils chase, là. C'est des gars qui collectionnent du rétro, là, puis ils savent en crime. Mais comme qu'est-ce qu'ils cool? Un peu. Ouais, un peu comme Papa Cassette, mais eux autres font des vidéos avec ça, là. Papa Cassette, il fait ses rétro nouveaux, dans le fond, là. Disponible sur RZO. Mais. Que je veux dire, c'est que Carl, qu'est-ce qu'il fait avec son monde, c'est les petits trucs un peu que tu te donnes. Ouais. Il donne des trucs. T'arrives jamais devant le vendeur en faisant que, oh shit, c'est bubble, je capote, je vois tout le temps ça. T'sais, faut que t'arrives puis que tu fasses, c'est de la merde. Tu ou t'en parles juste pas, tu le checks, tu le laisses là, combien bas, ok. Ouais. Il donne des trucs de pas avoir de l'air d'un maudit énervé devant le vendeur. Dis jamais, hey, ça c'est rare. Dis jamais il va ça. Te la il va rajouter un petit 10 de plus, puis des fois il le sait pas, puis tu vas partir 5 minutes, tu vas revenir avec l'argent pour acheter le jeu, exemple, puis le jeu il est rendu 200$ ou. Tu sais, une niaiserie de même, là. Fait que. Excuse-moi, ce que tu parles en plus, c'est un peu drôle parce que ma blonde avait acheté un genre d'abat-jour vintage, ok? Moi, personnellement, je vois ça, puis je fais. Mais j'y fais confiance, je me dis, ben, gars, elle est capable de décorer, ça va être beau. Fait que là, elle achète un abat-jour, le gars, il dit, ben là, l'abat-jour, 60$, nanana, je n'ai deux, puis là, elle dit, gars, je veux pas ta lampe au complet, je veux juste un des deux abat-jours. L'autre, il est tout pâli, là, même si tu me dis 60$, c'est... Fait qu'elle a réussi à dealer, je pense que c'était 25 ou 30$ son abat-jour vintage. À part avec. Elle fait deux kiosques, c'est un gars qui marche, malade ton abat-jour, tu le veux combien t'as payé, nanana. Ah, je l'ai payé 40. si je te donne 60, puis nanana. Ah non, moi, lui, je le vends pas, lui, puis va là-bas, il en reste un deuxième, à repart. Trois fois, c'est fait à côté de même, puis le monde, je te donne 60, je te donne 70, je te donne 80$. On s'entend-tu, je l'aurais vendu en Christ là-bas. Moi, je l'aurais vendu vite. Sauf qu'elle, elle l'a gardé, puis d'un autre côté, comme qu'elle m'a fait comprendre, elle dit, moi, je l'aime vraiment. Si j'aime plus ça après, ben, je me fais juste mettre un beau pied de lampe avec, je mets ça sur Kijiji, puis nous autres, on est allés à la chute le chercher. Mais t'as plein de monde dans Hochelag ou sur le plateau Mont-Royal, hipster bobo au bout, qu'ils vont voir ça, ce que j'ai dit, puis ils vont faire « Ah, oh man, t'as vu là, l'antiquité vintage? » C'est ça ton accent de hipster? J'ai payé 120$, puis moi, je m'invente un accent d'hipster. Je suis bon dans les accents pour random. Mais tu sais, wow, je peux payer 120$ pour cette lampe, puis quelque chose de... Puis elle va faire son argent avec. Mais tu sais, c'est débile. C'est cette lampe, en plus, pas cette lampe-là. Là, oui, c'est cette lampe. Mais d'un autre côté, tu sais, le monde, ils font pas le millage pour aller chercher le stock. Fait que tu sais, non, c'est elle, vrai. Elle s'en fout, puis elle aurait pu le vendre trois fois, là, son cossin. Là. On dirait que vous venez de découvrir l'Antiquité. Ben, non, mais elle est habituée avec ça. Moi, je découvre ce monde-là. Je connais pas ça pantoute. Fait que, moi, j'aime juste pas ça. Ben, moi, j'aimais pas ça, mais je me découvre une passion, puis j'y vais une fois de temps en temps avec, puis j'aime ça l'avoir dealé. Ouais. Fait que, c'est pour ça que j'ai l'air du gars qui s'en calisse à côté, mais dans le fond, dans ma tête, je suis là, puis. Asti qu'elle est bonne, elle deal, puis tu te quittes. Mais aller dans les marchés aux puces, découvrir ça, c'était mon actualité de la semaine. Moi, j'approuve. Parce que juste que je fasse une note, là, j'avais vu ta blonde au Comic-Con l'année passée, puis mais, je pense même pas qu'elle. Je pense que c'était son premier Comic-Con. Je vais toujours me rappeler d'avoir les tables. À chaque fois qu'elle voit quelque chose qu'elle aimait, là, c'est comme son game face embarquait. Là. Ah oui, c'est des bêtes. Mais à terre, c'est encore pire parce que là, elle a découvert sur Amazon, il y a une affaire que tu fais juste peser sur la fonction, puis tu peux scanner un barcode, puis ça te trouve l'item. Ouais, ça, ouais. Fait qu'à Star, là, c'est incroyable. C'est elle est en place, puis elle scanne le barcode, puis elle fait 12$ sur Amazon. Fait qu'elle connaît les prix, puis elle est malade, là. Mais ça, Amazon, ils ont fait ça exactement pour ben ça, oui. Pour que tu puisses plus vouloir acheter du physique, puis acheter juste. Je te jure, là, dans 5 ans, ils autres, dominent le monde. Ils vendent le physique pareil, mais c'est juste que pour eux autres, ils ont dit c'est quoi la barrière. Là, le client, il voit, mettons, le livre, puis là, faut que tu trouves l'année d'édition, l'auteur, le ci, le ça. À Star, fuck off. Tu scannes le code barre, ça te dit tout de suite, on l'en stock, il était le prix, achète-le. Puis il est moins cher. Eric vient de capoter parce que je sais pas si vous entendez dans les micros, là, je vais essayer de le garder, mais il y a un bruit de train, puis là, Eric vient de capoter. À Sturgeon Falls en Ontario, dans mon petit village. Ah, là, il vient de l'entendre, le train. Pas habitué à ça, hein. Ben, j'ai été élevé là-dessus, ça me rappelle de ma jeunesse, ça me rappelle de mon village. Ce qui est triste, là, c'est que la traque de chemin de fer croise une piste cyclable, fait que s'il fallait son klaxon de même. Il y a peut-être un petit gars qui va passer à TVA Nouvelle demain matin. Parenthèse, à Hochelag, on a les trains aussi, mais ils font pas de bruit. Tu fais juste les entendre vibrer quand ça en allait vers le port. Mais à Hochelag, les horns, comme qui sont intéressantes, c'est les bateaux. T'entends les bateaux au port. Là. Ça doit être cool, ça. OK, excuse. OK. Là, messieurs, on va prendre une courte pause de 5 minutes. Parce qu'on vient de terminer l'actualité. Puis après ça, on va embarquer dans notre sujet principal de la journée. Mmh. On va essayer de voir un peu qu'est-ce qui fait un bon film. Un blockbuster. Un blockbuster. Non, pas qu'est-ce qui fait un bon film. Ben. Mais veux-tu vraiment qu'est-ce qui fait un bon film? Ben, pas qu'est-ce qui fait un bon film, mais j'ai de la misère à trouver le titre de cet épisode. Ben, je pense que c'est plus comme qu'est-ce qui est un blockbuster. C'est-tu un bon film ou c'est juste un film populaire? Eric, tu es merveilleux. j'apprécie beaucoup la contribution que tu apportes à cette émission. Donc, on va revenir dans 5 minutes, puis on va élaborer sur qu'est-ce qui fait un blockbuster. C'est quoi? C'est-tu le box-office? C'est-tu la qualité du film? Qu'est-ce que ça donne? Pensez à ça. Pensez à ça. Merci à vous et à dans 5 minutes. Petite musique d'interruption. On parle bien de la chaîne de vidéos américaine. En fait, non, Milter, on ne s'apprête pas, en retour de cette pause, de parler de la chaîne de clubs vidéo américaine qui a fermé ses portes. On s'apprête bien à parler du phénomène blockbuster. Donc, c'est quoi un blockbuster, premièrement, Eric? Parce que je pense que tu as préparé une définition pour nous aujourd'hui. Tu as fait des recherches, c'est ça? Ah oh ouais, j'ai fait plein de recherches sur l'Internet. J'ai mis dans Google blockbuster. On sait tous c'est quoi un blockbuster, par exemple. Je veux dire, comme avant que j'explique un peu c'est quoi, Milter, en une phrase, c'est quoi pour toi un blockbuster? Un très gros film. OK. Moi, je vois ça de même. Là. Un gros film. Très gros. André? Un film qui a fait bien du cash. C'est pas loin. Les deux, en fait, vous le fessez un peu. Mais attends. André, de la façon qu'il dit ça, ouais. C'est un fait. Dans le sens, un film qui a fait beaucoup de cash. Oui. Moi, je dis ça dans le sens que un film qui est pas encore sorti, je peux dire que c'est un blockbuster. Peut-être qu'il va se planter monétairement. Je ne crois pas. C'est un bomb. Non, mais ouais, OK. Par après. Ouais. Mais avant... On dit que c'est un blockbuster, pareil, ça va être un blockbuster. Mais c'est ça, il y a l'autre chose qui est le blockbuster mentality, qui est à Hollywood, ou ce que, ben pas juste à Hollywood, là, plein des places. Dans l'univers. Éclaire-nous, Eric. Le but, c'est de faire un gros film qui va faire bien de l'argent. Fait que, Deux, on a raison, finalement. C'est un gros film qui fait bien du cash. C'est ça. Puis la grosse argent. Ça date de quand même pas si longtemps que ça, le terme tel quel, comme qu'on l'utilise. Avant ça, je pense que si on va loin dans l'histoire, c'était des bombes qui utilisaient pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui étaient capables de détruire des blocs en entier. Ça s'appelait demain. Blockbuster était... Mais tu sais, comment est-ce que nous autres, on a entendu pendant la guerre en Irak, les Bunker Buster, là, la bombe qui passe à travers du bunker, puis sont comme, c'est un bunker buster. Mais dans la Deuxième Guerre mondiale, c'était plus fucked up. Okay. C'était tout un quartier. Fait qu'ils appelaient ça un blockbuster. Puis il y avait un terme qui avait été utilisé par un producteur new-yorkais qui disait que genre son show ou son théâtre ou son film va faire plein d'argent comme si un quartier a été pété, comme si ça a été blockbusté, on pourrait dire. OK. Mais après ça, le premier vrai film blockbuster comme qui a été coiné comme blockbuster pour de vrai, c'était Jaws. Jaws a été le premier blockbuster. C'est ça, ou ce que c'était comme un gros film commercial. Tout le monde voulait voir ça. Tout le monde voulait le voir, puis tout le monde l'a vu aussi. Exact, puis tout le monde l'a revu aussi, juste pour l'expérience. Puis ça, c'était un peu les comme tu pourrais dire qu'il y a des films du passé qui étaient des blockbusters, mais il n'y avait pas le terme encore. Je pourrais dire Gone with the Wind. Okay. On peut aller plus loin que ça aussi. Gone with the Wind, c'est un exemple parce que ça a duré comme 20 ans au cinéma. Ça dure mais encore. Si Jaws est considéré comme un blockbuster. Oui. On considère quoi? En fait, Sequest DSV, c'est considéré comme quoi? Sequest, c'est considéré comme une série télé? Ouais, mais tu sais, c'est une série télé culte. C'est-tu un blockbuster de série télé? Ça serait un blockbuster de série télé, en fait, je pense, parce que ça rentrait avec le gros budget, Sequest DSV. Ben, les gros acteurs puis, aussi. Oui, parce que t'avais justement... c'était quoi son nom encore? L'acteur de Jaws qui était là-dedans? Ben, moi, je parlais de Darwin, le dauphin. Non, Darwin n'était pas dans Jaws. Je pense que le terme est, par exemple, réservé au film. Ben, il n'y a jamais personne qui dit ça non plus. Parce que rendu là, Walking Dead serait un blockbuster TV series, puis c'est pas ça... Pas en tout que le monde dise. C'est un peu là que je voulais aller, c'est un terme très approprié de genre cinématographique. C'est là. Pour les films seulement. Mais en fait, je te dirais que Walking Dead, c'est vu comme un. Ça serait comme si on serait pour aller dans les blockbusters de télé. Ça serait un blockbuster. C'est un blockbuster de télé parce qu'il y avait du gros budget, t'avais un bon réalisateur pour le premier Walking Dead. Ils ont mis le tapis avec leur premiere. C'était quand même là, un gros coup médiatique de AMC. Mais l'idée, quand même, c'est que les compagnies de production puis bien des réalisateurs. Ils ont bien un gros budget, puis leur but, là, c'est de revirer 200 millions en 500 millions, puis c'est d'avoir de quoi qui n'est pas nécessairement là pour gagner des Academy Awards, parce qu'on va sûrement toucher ça tantôt, mais c'est là pour un thrill, c'est là pour une ride, c'est là pour un spectacle, puis en fait, c'est là pour ça. Puis Blockbuster, en plus, ça va plus loin, là, t'as des... T'as des blockbuster books, des blockbuster drugs. En fait, que c'est fucked up un peu, mais... Les salles de bain sont un blockbuster drug. Mais en fait, c'est plus comme des... Comme Pfizer, ils ont des blockbuster drugs. C'est considéré qu'est-ce comme une... Qu'est-ce qu'ils font, Pfizer, déjà? C'est quoi, là, pour monter ton pénis? Viagra. Le Viagra, ça serait considéré un blockbuster drug. Mais dans le fond, pompe suédoise. Eux autres, d'après moi, comment que tu dis ça, c'est... Blockbuster, c'est un terme qui peut être utilisé pour quelque chose dans le sens... On va mettre ça sur le marché. On va le marketer en masse. Oui, ça va nous coûter cher ou de quoi, mais il va avoir ça va rapporter... Peut-être un gros rapport. Le ROI est puis, là. Dans c'est le... ça. Ouais, exactement. Le terme est là pour les films beaucoup plus. Mais en gros, c'est peu, on va virer ça en plus gros cash. Quand ça va fesser le marché, ça va fesser fort. Puis on va s'arranger pour... Oui, puis on va en parler pendant des semaines avant. Exactement. Puis, c'est impossible que même si tu détestes le cinéma au complet... que tu sois pas au courant que tel ou tel blockbuster sorte. Mais tu m'apportes sur une piste importante, là, oui. Peter, puis je veux nous apporter sur cette piste-là. T'as dit, c'est impossible, même si tu aimes le cinéma. Même si tu détestes le cinéma au maximum, puis que tu t'intéresses pas à ça, tu regardes pas dans les sites web ou dans les journaux pour voir l'horaire, tu veux rien savoir, tu vas voir une annonce à la TV pareil, tu vas voir une affiche quand tu prends l'autobus de quelque chose, il va être dans ta face, tu vas le savoir. Mais à l'inverse, si tu aimes le cinéma, si t'adores le cinéma... Tu le sais encore plus. Si tu suis le festival de Cannes, si tu aimes le répertoire, est-ce que tu vas être au courant des blockbusters pareil? Tu vas être courant pareil, au même niveau que la personne qui aime pas ça, parce que le blockbuster, d'après moi, tu ne peux pas être au courant. Aha. Mais le gars, comme tu dis, Cannes, un peu, mettons, on s'en va de plus dans une niche... ou dans un je vais pas utiliser le terme pour ça, mais un fanboy de cinéma, puis quelqu'un qui adore étudier le cinéma en profondeur, qui est niche, lui, il va aller vers une clientèle peut-être plus canne, comme tu dis. Puis encore là, il y a du niche tellement dans d'autres domaines que, exemple, moi je vois plus dans l'horreur, puis si Nick aurait été là, il pourrait nous en parler plus, mais c'est une niche incroyable, même si pour plusieurs, les films d'horreur, c'est de la grosse merde, et c'est mal écrit, puis c'est mal fait, ou peu importe ce que le monde vont dire, il y a une niche incroyable de producteurs là-dedans qui... Mais c'est un peu là que je veux en venir, c'est que... Puis avant que t'ailles là, même affaire pour l'humour et les films d'action, puis tout, là, les Tony Scott, là, c'était réputé pour d'autres affaires. Les gars de J.R. Blanc, là, c'est quoi donc? National Lampoon. Tu sais, c'est réputé pour de l'humour, puis c'est du niche humour que le monde... Il y a du monde qui tripe cinéma humour. Mais il y a eu une bulle d'humour aussi à la fin des années 70-80. Il y a eu des bulles dans les années 90 avec les American Pie, puis l'humour adolescente au cinéma, puis il y a le côté Monty Python, puis National Lampoon aussi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a du monde qui tripe cinéma, mais juste humour... Puis toi, tu vas leur dire, ah, oh, ben, tu sais, Dude, where's my car? Puis lui, il va te regarder comme, what the fuck, man? Je parle de Monty Python, Holy Grail. Mais Monty Python, ce serait pas un blockbuster. Non, ça je suis d'accord. Ça, c'est plus comme un sleeper, il appelle. Mais moi, ce que je vous propose, c'est qu'avant qu'on embarque un peu plus en profondeur, moi, j'aimerais ça, tu sais, qu'on sache à qui on a affaire autour de la table, puis qu'on parle un peu. Tu sais, ça a été quoi notre premier wow? Parce que je pense qu'un blockbuster, une partie intégrale d'un film comme ça, c'est un wow factor. Ouais. C'est soit la bande-annonce nous a fait triper, c'est soit le film nous fait... Il y a quelque chose de mémorable dans un blockbuster. Puis j'aimerais ça pour que les auditeurs sachent un peu où on est puis d'où on vient. Puis pour que nous autres aussi, autour de la table, on le réalise. Qu'on parle un peu... Le premier wow qui nous vient en tête au niveau des films, c'est quoi notre premier wow? Qu'est-ce qui est arrivé? Le premier film qu'on a réalisé, qu'on a fait... OK, ce film-là, il va me suivre pour le restant de mes jours. Je vais toujours le réécouter. Je vais triper. Puis il y en a un qui... Je suis sûr que je parle, puis il y en a un qui vous vient en tête présentement. Là. J'en ai deux, couple, moi. Là, même, là. Pour l'instant, deux moments particuliers quand j'étais jeune. Là. Un des moments, j'étais avec ma mère et mon père, puis j'écoutais, puis je sais même pas si c'est considéré un blockbuster, mais j'écoutais dans mon sous-sol quand j'étais petit, puis il était tard, parce que je me souviens, ma mère, elle dit « Ah, faut que t'ailles se coucher, là. » Mais elle me laissait écouter le film. Puis c'était Indiana Jones and the Temple of Doom. Nice. Puis, tu sais, elle me laissait l'écouter parce que je pense qu'elle l'avait déjà vu. Puis ma mère, elle trippait beaucoup. Là, fait que tu sais, elle me laissait l'écouter parce qu'elle dit c'est correct. C'est Indiana Jones, il n'y a rien de mal. C'est pas celui où la face du monde à fond quand il ouvre l'arche. Non, c'est exactement. C'est juste celui où il arrache le cœur du monde vivant puis qu'il le pitche dans un pit de lave. Et c'est là c'est que je voulais violent. En venir. Parce que je me souviens de ma mère qui regardait mon père environ 10 minutes avant ce moment-là dans le film, puis qu'elle n'arrêtait pas de dire à mon père comme je pense qu'il est temps qu'il allait se coucher là. Et mon père comme ben non, là, il peut l'écouter là, encore, il peut écouter le film, il est avec nous autres. Je veux pas trop te couper, mais il faut juste que je dise une petite parenthèse, que ce qui est hot de ton histoire, c'est que c'est le premier film ça, à considérer le PG-13. Hein. En plus. Parce qu'il savait pas comment rater des films dans ce temps-là, puis il n'y avait pas de films d'adultes ou de. Puis ça, c'était juste comme PG. Puis Steven Spielberg, après que la réaction de ça, il a poussé pour le PG-13. C'est... Puis, en tout cas, conseille ton expérience. Le PG, j'avais entendu parler de ça dans un autre podcast anglophone. Il parlait du PG-13, l'existence. Puis c'est vrai, il disait ça. Puis le plus drôle, c'est que j'avais environ 7 ou 8 ans. Ah, oh, parfait. Fait que c'est mon père, c'est comme, ah, pas de trop, pas de trop. Mais mon père, c'est le genre de gars qui louait Die Hard et Total Recall avec moi. C'est puis... correct. Je suis allé voir le spécialiste avec Stallone. J'avais 12 ans. C'est ça, c'est le genre de film. C'est la scène que de douche. Que j'aurais pas dû voir ça à cet âge-là. Non, non. Ouais. Ton père. Non, non, mon cousin. Ah, okay, c'est okay. Encore mieux. Ça. Ouais, ouais, deuxième ouais. Film. Mais non, ça, en tout cas, Indiana Jones, l'arrachage de cœur, à ce moment précis, j'ai fait comme oh shit, qu'est-ce qui se passe là? Je vais en parler demain à l'école. Oui. Puis, en tout cas, ça m'a comme marqué. Puis, à cause de ça, je me souviens de beaucoup de ce film-là, les bouts de... Puis, c'est con, là, parce que quand je le réécoute à Star, c'est du easy, basic. Tu sais, comme, bon, il n'y a rien là, mais... Souvenez-vous aussi, dans ce film-là, le mangeage de cervelle de singe et de coupage de gros cobras avec plein de couleuvres dedans, puis le gros fakir qui te pogne des petites couleuvres. Puis, ah ouais, là, il y a le plein. Puis, à Star, t'aimes les films d'horreur, hein? À Star, j'aime beaucoup ça. Mais, tu sais, c'est un moment-là, là... La main qui traverse le chest, là, j'ai comme, oh shit! T'sais, ça m'a vraiment, là, comme fessé, là, je m'en souviens. Un des rapidement, autres, le deuxième. Ouais, rapidement, ben, c'était même pas ça, là, que celle que je voulais dire, là, mais bien vite, là, encore plus jeune que ça, justement, on a parlé de Jaws, là. Ouais. Savez-vous où que j'ai vu Jaws? Non. Dans un hôtel, encore avec mes deux parents, là, dans un hôtel en Floride, quand j'avais environ. 5 ans. Sur le bord de la beach, là? Genre. Puis, parce que quand j'étais jeune, j'allais beaucoup en Floride avec mes parents, là, à tous les ans, à peu près, là. Puis, c'était ça. Genre, fait que là, je me souviens toujours d'un bout. Moi, j'étais avec mon père. Puis, tu sais, il y a deux lits dans un hôtel, souvent. Ouais. Ma mère dormait dans un lit. J'étais avec mon père dans l'autre. Puis, on regardait le film ensemble. Puis, lui, il était bien content de me faire écouter un film de requin. Puis, ma mère, elle essayait de dormir à côté, mais était plus ou moins capable. Puis à un moment donné, mais je regarde, il y a un gars qui se fait bouffer par Jaws. Genre, il se fait juste pogner une jambe. Puis moi, j'ai regardé mon père avec les gros yeux. Puis j'ai fait comme, oh, il a mangé la jambe du monsieur. Puis mon père, il fait comme, ouais, il a bouffé le requin. Puis ma mère, elle se lève. Puis elle fait juste dire, voyons donc, c'est un acteur, c'est pas vrai. Puis parce qu'elle voulait comme me le dire. Ça, c'est comme le sixième sens de ta mère qui a fait. Faut que danger, danger, suite, elle s'est réveillée. Non, non, c'est pas vrai. Puis ça m'a comme marqué parce qu'elle était là, voyons donc, ils ont pas coupé la jambe d'un acteur pour de vrai. C'est de la confiture. Puis c'était genre de même qui était très drôle. Puis c'est pas mal ça. Sinon, bien vite, là, Robocop 1, la main qui se fait éclater avec un shotgun, ça m'a marqué. J'étais avec plein d'amis, puis on était juste comme 3 ou 4 jeunes. Trop jeune pour voir ce film-là, puis c'était comme, oh shit, la main, il éclate tout, bang, pff, il devient Robocop, puis il se venge, j'étais, wow. Pour moi, c'est pas un blockbuster, ça, Robocop 1. Bang! C'est un film qui est devenu culte, je pense, parce que dans le temps, il a pas fait, sûrement pas fait beaucoup. Non, mais t'apportes un point intéressant. C'était quand même un film à budget qui avait été un gros hit. Il y avait un gros budget dans le temps, je sais c'était pas. C'était un budget de comme 40-50 millions. Dans le temps, c'est quand même assez bon. Okay. Mais je vous propose qu'on table ça pendant quelques instants, mais blockbuster ou culte, va falloir en parler de ça aussi tantôt. Pas de trouble. Éric... Culte, c'est après. Ouais. Je pense qu'on en parlera tantôt. Un blockbuster là. Peut devenir culte. Oui, aussi. Éric, toi, c'est quoi ton wow? Là? Ben, mon wow, je vais le dire, mais il faut que je dise des films au cinéma. Je vois ça depuis que je suis tout jeune. Mm-hmm. J'ai été toujours entouré de gens dans ma famille qui aimaient ça aller au cinéma. Puis je vais dire comme Milter, deux expériences brièvement, puis peut-être une troisième. Mais la première, où ce que j'ai vraiment comme une très bonne expérience de film, puis je suis allé voir comme E.T. au cinéma quand j'étais kid. Tous les gros films des années 80 de mon fuck âge, je les ai E.T., vus. Man. Je l'ai vu au cinéma, puis ça m'a vraiment. J'ai vu d'un sous-sol tout seul, puis j'avais la chienne des pieds, man. Bon, ok, ben en tout cas, moi, je m'appelle, j'étais à Sturgeon Falls, dans le petit village nord Ontario. J'en ai prendre un bicycle, je savais pas trop quoi faire. C'était une longue journée, un samedi après-midi. Puis je sais pas pourquoi je m'en rappelle de ça, mais il y a une amie de ma mère qui prenait soin de des personnes avec des déficiences mentales dans le sous-sol de l'église du village, où ce que j'ai été baptisé, en fait. Puis elle me voit, puis elle me dit « Ah, tu fais quoi, Eric, aujourd'hui? » J'avais genre 5-6 ans, là, j'étais juste en train de gaspiller du temps. Puis elle me dit « Veux-tu regarder un film? » On regarde un film avec le groupe. Là, je décide de descendre en bas dans le cave pour regarder un film avec plein de personnes qui ont des déficiences mentales, mais qui sont adultes. Mais je suis le jeune de 6-7 ans là-dedans. Puis je rentre en bas dans le cinéma pour regarder un film. Puis le film, c'était Gremlins. Puis j'étais très jeune, mais c'était vu comme une comédie weird dans ce temps-là. Ouais. Mais j'ai eu une vraiment bonne expérience avec des gens qui étaient adultes, mais qui agissaient comme moi un peu avec le film. Puis c'était vraiment une expérience weird, mais ça, c'était un des moments où j'ai vraiment dit « Ah, c'est vraiment le fun de triper des films avec des gens. » Mais pour vraiment ajouter un peu de cred cinéma blockbuster, quand j'avais 6 ans à peu près, mon père, il travaillait au Centre national des arts à Ottawa. Puis il avait décidé de faire une première, mais c'était pas une première, mais c'était un genre d'événement cinéma dans l'opéra du Centre national des arts, projeté en 72 mm, les trois Star Wars. Puis je connaissais même pas, comme je connaissais Star Wars un peu peut-être, mais j'étais trop jeune, j'étais né en 78. Fait que tu sais, Star Wars, si tu le vis, tu sais que c'est là, mais tu le vois pas au cinéma. Puis j'ai vu 4, 5, 6, un après l'autre, une longue après-midi. Puis je m'ai toujours me rappelé, pendant Return of the Jedi, j'étais fucking tanné, puis je voulais m'en aller. Mais ça m'a quand même marqué dans ma tête. J'ai été vraiment comme tripeux là-dessus. J'ai vu Goonies au drive-thru, suivi par Thunderdome, que je m'en rappelle avec ma tante qui avait comme 20 ans dans le temps. Puis elle m'amenait là, j'étais pas supposé de voir Thunderdome, mais je l'ai écouté aussi. Mais le film qui a fait wow, faut que je le dise, c'est j'ai sneak in pour voir Pulp Fiction. Puis c'est là où j'ai commencé à être tripeux de cinéma. J'étais supposé aller voir Shawshank Redemption, puis c'était une très bonne année en passant ça. Pulp Fiction, long, Shawshank, Forrest Gump, c'était vraiment une bonne année. Puis j'avais déjà vu Shawshank, mais j'ai fait semblant que je vais aller voir Shawshank. Puis après ça, j'ai dévié les règles, puis j'étais allé voir Pulp Fiction. J'ai manqué l'explication au début. Qui disait clairement la fiction pulp, c'est des histoires toutes mélangées. J'avais aucune idée que ça allait back and forth. Mais ce film-là me mind blown. Puis après ça, je louais des films, puis j'allais au cinéma le plus souvent que je pouvais. J'ai pas de deck en cinéma, j'ai pas étudié en cinématographie, mais je suis un passionné énorme. Puis ce film-là, Quentin Tarantino, là, wow, là, j'ai vraiment. Ça, c'était mon wow. Là. Puis j'ai comme c'est où que j'étais dans l'histoire, j'étais dans les rôles de jeu d'acteur, les hommages. Man, en tout cas, ouais. Génial, ça. Puis moi, toi, André, c'était. Ben, en fait, moi, ça me fait capoter le nombre de films que tu as vus. Moi, tu vois, j'ai un parcours un peu différent. C'est une version éditée en passant. Ce qui est malade là-dedans, c'est que. Moi, tu vois, j'ai eu trois phases de cinéma. J'ai eu la phase où j'étais jeune, j'étais allé voir Les Aventuriers du Temps Perdu, Ninja Turtle, tu sais, puis ma mère m'amenait pas mal au cinéma dans le temps, puis c'était un bon moment de famille ensemble, puis c'était vraiment cool. Après ça, j'ai eu un autre passe où on a commencé à découvrir le cinépark. J'ai vu Jurassic Park au cinépark. Nice. Que ça, c'était cool parce que sont fucking gros, les dinosaures. Ouais. Au cinépark, l'immersion était le fun, tu sais. Le cinépark, c'est quelque chose qu'en vieillissant, je trippe peut-être un peu moins. Ma blonde capote là-dessus, fait que je vais sûrement y aller cet été. En passant, tu peux boire de la bière dans ton char au cinépark. Ben, il y a ça qui est cool, à moins que tu conduis, parce qu'on n'encourage certainement pas de boire et conduire. Mais, puis on n'encourage certainement pas de sneaker de la bière dans un cinépark. Non, encore moins sneaker tes enfants avec du popcorn, je dis ça de moi. Cachant en dessous d'un van à minivan. Ouais, quand t'as une minivan dans la valise, en-dessus des sacs de recyclables, là, d'épicerie. Là. Les Dodge avec les bancs stow and go, là, ouais. Tu ouvres le compartiment, tu mets le kid. Exactement ce qu'on fait. En parlant de cinépark, deux secondes, là, les arcades au cinépark, t'es toujours hot quand moi j'étais kid. T'avais des arcades au cinépark? Je me rappelle quand j'allais au cinépark, il y avait toujours des vieilles arcades, là, comme des affaires qui dataient du début des années 80. Du classic shit. Comme au marché aux puces Saint-Eustache, les arcades qui datent des années 80. Mais puis... moi j'avais pas. Non, en fait. Ils ont pas réparé depuis ce temps-là. Ça veut dire qu'il y a des arcades. Au marché aux puces, au petit restaurant, tu traverses la porte. La snackette. Ouais. Ben, il reste, je pense, 4 machines. La dernière fois que j'étais allé, il y avait 4 machines. Avant, il n'y en avait plus. Donc, la machine de famille Adam qui te donne des chocs. Oui, ça, c'était cœur, hein, sérieux. Mais non, j'ai eu la phase cinépark. Puis après ça, j'ai eu la chance que. Quand j'étais jeune, le frère de ma blonde, un moment donné, il fallait qu'il se trouve une job. Fait que moi, en grand flambeau, j'étais allé appliquer moi avec. Puis j'ai réussi à me pogner une job d'un cinéma Guzzo. Puis je suis tombé projectionniste à un moment donné, assistant gérant, etc. Mais j'ai eu la chance d'être projectionniste une fois dans ma vie, à l'âge de 16-17 ans. Fait que c'était une période qui était assez étrange pour moi en tant que projectionniste et en tant que tripeux de cinéma parce que. J'ai eu la chance de projeter des films incroyables dont je n'avais aucune calisse d'idée que c'était bon. Tu sais, du genre que j'ai projeté Fight Club. Ironique quand même. J'étais allé le voir un mois après. Fait que c'était super ironique parce que j'étais le petit Chris de fendant à la porte qui faisait « T'as pas 18 ans, tu peux pas rentrer. T'as même pas 18 ans toi-même. » Ouais, mais je rentre pas dans la salle. Fait que tu sais, ça c'était mon argument. Ouais. Fait que, mais je suis rentré dans la salle pareil. Là. Est-ce que tu faisais des pénis dans des frames? Les frames de pénis, en passant à la fin de Fight Club, parce que j'ai eu la chance aussi de travailler avec du 35 mm. Fait que nice. Ça, c'est quand même cool. Fait qu'il y avait vraiment des frames de bits pendant les pas les previews, mais les credits de Fight Club. Je m'en rappelle. Et pas juste des credits. Non, pas juste des credits. Il y en a pendant le film. Mais j'ai des frames de pénis de Fight Club dans une boîte en bas dans mes stocks de déménagement nombreux. Fais mettre ça dans un cadre. J'ai un trailer de Star Wars épisode 1 aussi, puis j'ai un trailer de Pokémon The Movie. Nice. Qui sont encore toutes roulées puis toutes beaux là, fait que peut-être pas supposé d'avoir ça, mais je les ai pareil, fait que t'as fait. Crise, mais j'ai eu la chance de projeter un paquet de films, puis moi mes wow factor, okay, premièrement Ninja Turtle en tant que kid au cinéma, tu capotes, c'était ouais, cool au gars. D'accord gros. À 100%. J'ai Jurassic Park au cinéparc, c'était écœurant. Ça, tous les films que tu dis là, comme j'y nomme pas. Ben, j'étais comme un peu plus vieux, mais Ninja Turtle, je dois avouer qu'au cinéma, ouais, ouais. Gars, ça, wow. T'as vu ça, Jim Henson qui a fait les masques. C'était un blockbuster. Là. C'en était un où il parlait de le gross, là, puis ça a brisé ouais. Des records de fin ben, de moi, semaine. Tu vois, ça a été un peu un parcours logique, parce que étant plus jeune, je trippais beaucoup sur des blockbusters. Puis, il y a un moment dans ma vie, puis je t'en parlais avant qu'on enregistre ce soir, Eric. Je travaillais au cinéma, puis j'ai projeté un film dont je me contre-calissais. Puis, c'était un film pour moi que, dans le temps, il me faisait chier. Parce qu'il y avait peut-être 4 personnes dans la salle. Puis, c'était du monde qui arrivait comme, mettons, tu sais, c'était late show. Puis là, tu fais, OK, je suis projectionniste. S'il n'y a pas personne dans cette salle-là, je pars pas le film. Je finis plus de bonheur. Tabarnak! 2-3 billets de vendus. Fait que j'ai projeté ce film-là en me crissant du film. Après ça, que j'ai fait, c'est que, fast forward 2-3 ans, 4 ans. J'ai passé, là, j'avais 20 ans quand je l'ai vu. Une soirée bien arrosée avec des chums. On avait sorti, je pense que c'était au Syndrome, quelque chose de même. On avait fumé un peu. Une grosse veillée. On avait fumé des cigarettes. On était bien mélangés à cause manger des cigarettes. Manger des sandwichs, justement. Des sandwichs, des Mac Poulet, je pense qu'ils appellent. Ouais. C'est de la bouffe d'après-brosse, je pense. Puis on était chez nous, dans le sous-sol. Puis on part à la TV. Puis là, film de fin de soirée de samedi soir, TQS. Puis je tombe sur High Fidelity avec John Cusack. À genre 3h du matin en français. Puis là, j'écoute ça, puis je fais Chris, ça doit être bon en version originale non sous-titrée, ça. Puis je fais, man, la musique est bonne, puis l'ambiance est bonne, puis le kit. Puis là, je vois ça, puis je me dis, faut que je le réécoute en anglais. Mais ça, c'est dans le temps que TQS mettait des bons late night movies. Il y a ça. Ça, c'est dans le temps que TQS existait. Aussi. Avant que ça devienne V avec Sugar Sammy. Mais, ouais. Mais ce qui est arrivé après ça, c'est que. 3 semaines après, parce que mes cigarettes qui me mélangeaient affectaient la mémoire à court terme aussi, je me suis rappelé, « Hey Chris, c'est vrai, ce film-là, à 3h du mat', il était cool. Faudrait que je le réécoute, puis je l'écoute en anglais. » Puis je fais, « Man, il me dit de quoi, ce film-là? » Puis je retrouve, dans mes vieilles boîtes, avec mes vieux previews, puis mes affaires de même, des horaires de cinéma, parce que dans le temps, hey, j'étais projectionniste, c'était old school. Là. J'avais un téléphone avec ClearNet PCS, TELUS maintenant. Qui est devenu TELUS par la suite. Puis mon téléphone n'était pas intelligent. Fait que dans le temps, les projectionnistes, on avait des horaires. Voulant dire, telle salle à telle heure, tu pars tel film. Telle salle à telle heure, parce que t'as les previews, t'as telle affaire, telle affaire. Fait que là, je retrouve un horaire, puis je fais comme, Chris, je l'ai projeté, ce film-là. Il était dans la salle 12. La salle 12, qu'il n'y avait jamais des hosties de bons films qui passaient là-dedans. C'était tout le temps comme le trou de cul de nulle part, là. C'était dans le coin, là. Puis, fuck, c'était ce maudit film-là qui me faisait chier dans les late shows parce que t'avais tout le temps 2-3 gars fuckés qui avaient l'air weird qui venaient écouter ça. Pas weird comme le gars quand j'ai projeté la réédition de Caligula qui était tout seul avec sa boîte de Kleenex. Weird dans le sens des trippers de films. J'ai ce coffret Caligula chez moi en DVD. T'as tes histoires de Woodstock, j'ai mes histoires de cinéma que je pourrais vous en raconter des vertes et des pas mûres. Mais, fait que je projette High Fidelity, puis je me calisse du film, puis l'ironie du sort, c'est que 2 ou 3 ans après, j'écoute ce film-là, puis je tombe en amour avec. Puis ça a été mon premier wow. High Fidelity n'est pas un blockbuster. Mais ça, excuse de te couper, mais ouais. c'est un wow mental. Oui. Ben ouais, c'est. Mais c'est un wow mental parce que, premièrement, j'ai fait comme Chris, Jack Black joue là-dedans. My God, OK. Oh, ouais, hey, Cusack, c'est vrai, j'ai déjà vu dans d'autres films, lui. Puis après ça, tu réalises, hey, le soundtrack est bon, puis l'histoire. C'est un tout. C'est le complet. Mais moi, personnellement, j'ai eu d'autres films par après qui sont venus justement fesser dans le mental, si on peut dire que... Mais tu sais, où je me pose la question, c'est que... Tu sais, j'entends souvent les gens dire, puis on va en parler un peu, puis c'est surtout... Michael Bay se fait lancer des tomates souvent là, par rapport à ça. Injustement, effectivement, puis je partage 100% ton opinion, mais les gens maintenant ont une tendance à dire que, ben, ah, oh, ce film-là, c'est un film, tu mets ton cerveau à off. Puis on dirait qu'il y a comme une ambiance négative qui s'est instaurée autour du blockbuster. Mais autour de fermer ton brain. Là, je veux dire, ben, il y a ça. Mais c'est quoi qu'il y a de mal là-dedans? Absolument ben, rien, c'est ça l'affaire. Okay, c'est pour ça qu'on a ce show ici. Moi, c'est pas ce que je comprends pas là-dessus, c'est que mes meilleurs souvenirs de jeunesse et d'enfance ont été faits autour de des Jurassic Park, des Ninja Turtles. Après ça, j'ai découvert certains films d'acteurs un peu que des Demolition Man, des affaires de même. Puis j'ai été élevé dans les années 80 où il y avait une joie de vivre weird où on n'expliquait pas les choses. Il y avait une DeLorean qui remontait le temps à cause d'un Y nucléaire. Il y avait des packs de dinosaures qui étaient revenus à la vie. Puis t'avais un gars qui piratait le système informatique. Avec des disquettes. Avec des disquettes. Puis ha ha ha, vous n'avez pas dit le mot magique. Maudit Newman. Le facteur de Seinfeld plantait un parc national de dinosaures. Chris, il se posait pas de questions dans les années 80, puis le monde était correct avec ça. J'ai écouté des films où Christian Slater parle à la caméra pendant 80% du film, puis t'as une scène qui fait rire tout le monde parce qu'il y a un labrador qui pète. Ouais. Fait que tu sais, puis là, soudainement, oh, excuse-moi Eric, je vieillis, je suis rendu plus vieux, puis quand j'ai fermé mon cerveau pour écouter un film de même, ben c'est rendu que c'est la glorification de l'abruti voulant dire... ce petit film-là, c'est de la merde. L'histoire n'est pas expliquée. Puis c'est juste des gros effets spéciaux. Puis ça explose de partout. Ouais, mais c'est les meilleurs moments de ma jeunesse, ça. Ouais. C'est exactement pour ça qu'on aime ça. Mais ben, c'est ça. Puis on dirait qu'il y a comme un culte qui se forme autour de ça où le blockbuster est rendu avec une connotation négative. Voulant dire, c'est plus cool de faire un blockbuster. Mais c'est pour le puriste. C'est pour le gars niche qui trippe sur Cannes, ça. C'est pour le... Oui, mais le... ça commence par contre à avoir... On peut commencer à le nommer Xavier, t'as qu'à y être. Xavier on peut l'appeler Dolan. Xavier. Xavier qui est triste parce qu'au Québec, le monde l'aime pas, mais en France, le monde trippe sur ses films. En passant, j'aimerais noter, j'aime ses films. Ben, c'est correct, Eric. Moi, j'aime pas ses films. moi, je reste indifférent totalement parce que je sais que c'est pas pour moi. Fait que je l'écoute pas, puis je m'en fous. Ah, moi, c'est plus ça. Correct, comme Laurence Anyway, c'était je, bon, j'ai vu le premier là, à cause de ma blonde qui aime ce genre de film-là, puis j'ai fait comme ah, ok. Ben, tu sais, moi, un gars androgyné qui sait pas s'il est bisexuel ou homosexuel, qui tripe sur Audrey Hepburn, là, j'avais compris au premier film. Oh, mais sont-tu Tu sais quoi, c'est un bon point, ça, parce que. Il refait le même calice de film 8 fois. Ben, fais attention, tu peux pas dire ça. Ah, excusez, je peux pas dire ça, pardon. Fait que t'es en train de dire que quoi, il est rendu à 4 films, Xavier? À peu près. Ah, moi, j'ai prédit pour les 8 prochains, là. Mais ces 4 films, ça équivaut les 4 Transformers. Puis, probablement. Même histoire, mais par ils contre, restent aux mêmes histoires. Mais par contre, on est rendu dans une société où, pour moi de dire, puis c'est ça que je trouve poche, pour moi de dire, j'aime pas les films de Xavier Dolan, mais j'ai trippé à écouter Transformers. Cinéma, je connais fuck all au cinéma, j'ai pas de goût, puis je suis un abruti. Ouais, y a-tu quelqu'un qui t'a collé abruti ou... Non, mais je suis pas mal sûr qu'il y a quelqu'un qui se le disait de son côté, puis... Tu sais, regarde, TLDR, là, y a un wall of text qui arrive, puis... Pour expliquer pourquoi que Transformers, c'était pas bon. Ben, c'est ça. Puis c'est rendu que y a comme... Tu sais, t'as eu des phénomènes genre le slut-shaming, ou... Hey, cette fille-là, c'est une pétasse, on va la ramasser publiquement, puis t'inquiète. Puis à Star, t'as comme. T'as jamais entendu parler du slut shaming. Milter pourrait t'en parler longtemps du slut shaming. Ça a été un sujet québécois d'actualité. Pendant l'année passée, à peu près. Mais. On parlait de ça 3 jours. 3 jours. 3 jours d'Internet, c'est au moins 6 mois de intense, de temps réel. Là, ouais. Fait que, où je vais en venir avec ça, c'est que Michael Bay est le bouc émissaire un peu de toute cette glorification du cinéma de Cannes où. Il y a quelqu'un qui a décidé que, tu sais, t'as les Scoville, que c'est les unités de mesure pour la sauce forte. Voulant dire, cette sauce-là, c'est 1000 Scoville, mais elle, c'est 2000 Scoville, elle est bien plus piquante. Mais soudainement, il y a eu comme un rassemblement où les gens aime projeter, selon moi, puis je dis mon opinion, là, puis c'est pas l'opinion du podcast, c'est pas l'opinion de mes collaborateurs. Mais c'est l'opinion de 338 millions. Mais c'est l'opinion de 338, 380 000 même, je pense, 381 millions de dollars qui ont fait, OK, Transformers 4 ira pas à Cannes, mais il a quand même mené un petit bon box-office pour la première semaine qui est là. Puis en passant, c'est un pas pire de film aussi. Mais c'est ça, c'est que c'est rendu cool de dire c'est de la merde parce qu'il n'y a pas d'histoire puis rien. En fait, il y a une histoire. Ben oui. Elle n'est pas excellente. Puis si on s'en va à ce sujet-là tout de suite, je pense que je suis le seul qui a vu Transformers. Ouais, t'es le seul. T'es le seul qui l'a vu à date. Mais t'as-tu vu Armageddon? Oui. Ok, tu te rappelles du tri... Ben, garde, tu parles de film avec Bruce Willis. Attendez une seconde. Mais c'est Michael Bay quand même. Oh, non, c'était Buscemi aussi. C'est le même film oui, qu'on parle. Mais dites-vous, là, c'est parce que je veux pas embarquer trop dans Transformers, mais ça fait longtemps que je vais en parler. Tu sais comment est-ce que t'as un fils qui est avec sa blonde, puis t'as son père qui est là, puis le fils, il est comme en train de dire « J'ai fourré ta fille, mais il veut pas nécessairement Quelle dire... » Quelle sorte de film, c'est ça? Non, mais tu sais comment est-ce que c'est comme... moi, je suis le chum de ta fille. Tu parles de Liv Tyler. Là. Non, ben non. Tu te trompes pas avec Brazzers, là? Ou... Non. C'est ça, parce que Michael Bay fait des chefs-d'œuvre. Puis il fait des chefs-d'œuvre qui sont pas des chefs-d'œuvre. Puis c'est pour ça qu'on les aime. Puis s'il y aurait trop de choses... comment je pourrais dire ça? Si le film... Puis je l'ai lu, là, je m'en avais parlé un peu, puis je trouvais ça bien. Là. Si Megatron, à un moment donné, se rendait compte que ben finalement, le bien puis le mal, c'est juste un acte, puis tu devrais éventuellement réfléchir sur ton acte, puis peut-être pas être méchant, puis figurer que toi-même, t'es la méchanceté, que t'es en train de devenir la méchanceté du monde. Ben, je m'excuse, si on va plus loin que ça, puis il y a un film que Transformers tient cette réflexion-là. Un gros film introspectif. Là, ça devient. Ben, c'est plus Transformers. C'est plus ce film qu'on veut voir là. Est-ce que je peux me permettre une intervention, Eric? Moi, je paierais pas 16$ de billets pour aller voir en Ultra AVX, D-Box, écran géant 3D. Un film où Megatron fait une heure et demie de slam avec Grand Corps Malade. Ça serait calme. On s'entend que je m'en calme. Arrête, là, wow, là. Non, non, mais... C'était bon, ça. Non, mais on s'entend. Milter paierait pour ça. Je pense que j'irais le voir. Non, non, mais t'irais le voir, mais pas en 3D ou en quelque chose. Non, pas en 3D. Le happening, l'événement où... Calvaire... OK, regarde, c'est simple. On va faire un film à propos de gros robots géants qui se transforment, qui viennent sur la Terre. Mais faut que ça soit... Penser. Chris, faut-tu absolument qu'il y en ait un qui a un syndrome d'Oedipe, un autre qui est vraiment refoulé, qui sait pas quoi faire avec, puis quelqu'un qui ressemble à Audrey Hepburn à tous les 30 secondes, pas, tout le monde fume? Non. Pas juste ça non plus. T'es pas obligé d'avoir ça. Pense à quoi, à sur quoi que ce film, pas, que ce film est basé. Mais ça, c'est un point. Sur un cartoon des années 80 qui était pas excellent, puis j'ai adoré. J'ai réécouté dernièrement, OK, avec mon gars. Puis sérieusement, mon gars, il est habitué, je pense, à de la TV plus actuelle parce qu'il me posait des questions qui totalement legit. Puis oh, j'ai hâte d'entendre ça. Tu sais, des affaires comme ils font exploser, il y a plein de monde qui travaille sur un, tu sais, les puits de pétrole dans l'eau là. Ouais. Mais les méchants y arrivent, les Decepticons y arrivent, puis bombarde ça, style Huawei. Il pète de l'explosion de partout. C'est un puits de pétrole, pareil, là, tu sais, on s'entend. Il crash dans l'eau, là. Les Transformers, ils sauvent juste les deux gars principaux. Tout le monde, là. Pas tout le monde. T'as vu plein de monde courir, là, juste les deux gars principaux. Mais mon gars, il m'a carrément demandé, ils sont où, là, le reste du monde? Ils sont-ils tous morts? Ils ont-tu tué tout le monde? Puis c'est là que tu fais comme... J'avoue que moi, quand j'étais jeune, j'ai vu cet épisode-là, puis je m'en souvenais, genre, puis j'étais comme... J'ai jamais pensé à ça. J'étais juste comme... Ils couraient, ils se sont pas fait tirer, ils sont safe, OK? Hein. Mais dans Clerks, quand il y a la scène où il parle des contracteurs indépendants puis de l'étoile de la mort... C'est exactement ça. Tu sais, qui font sauter, puis... C'est-tu quoi? Les années 70 à 80-90, là... Il était-tu obligé de te faire une scène d'une heure et demie où... Ben là, en passant, tout le monde, non. Les survivants sont embarqués dans un lifeboat, ils se sont fait escorter, puis tout le monde... Puis il y en a qui sont morts. Tabarnak, t'as une imagination, fais-toi ta raison, il y en a qui sont morts. Terrible truth, t'es-tu obligé de passer 1h30 de fillers ou de bonus content pour expliquer ça? Mais à cette heure, à cause de toutes ces affaires-là, puis je pense aussi un peu à cause de l'Internet, ouais. Où est-ce que le monde vont te sortir des théories assez vite qui se propagent à la vitesse parce de lumière. Il y a rien d'autre à faire. Mais tu sais, je pense justement, on parle de Transformers, mais tu sais, dans Transformers 3, que j'écoutais avec mon fils, justement. Pis... Celui avec la pyramide, puis le. Non, l'ancien. Ça, c'est le 2, ça. C'est le 2, ça. C'est avec c'est les celui grosses que boules. La ville de Chicago se fait démolir de fond en comble. Ouais. Il y a des annonces d'une évacuation dans celle-là, quand même. Ben, c'est ça l'affaire. Moi, à un moment donné, je suis comme. What the fuck? Ces buildings-là sont toutes vides, il n'y a pas personne, genre, pis tout. Mais en le réécoutant, parce que mon fils, c'est le genre de gars que quand il y a un film qui trippe, qui passe à super écran gratis sur Illico, sur il demande, fois, là. Il commande au moins 2 fois par jour, genre. Fait que je le revoyais, là. T'sais. Là, il est moins épais, il est rendu plus vieux, là, tu sais, mais c'est l'autre qui va bientôt pogner cette phase-là. Il a déjà commencé avec SpongeBob, là, comme je vous disais tantôt. Mais il écoutait Transformers 3 souvent. Puis à un moment donné, j'ai pogné la scène de caler l'évacuation. Puis c'est là que je me suis dit, nos cerveaux sont tellement rendus, genre, adaptés ou formés pour, on dirait, voir ces affaires-là puis se dire, mais là, ça n'a pas de sens. Ils coupent des buildings en deux puis il n'y a pas personne dedans. Mais j'aime où tu t'en vas avec ça parce que je pense qu'effectivement, l'accès à l'information rapide de l'Internet nous a posé un beau problème de société qui est que on est toujours en questionnement. Ouais. Hey, t'as peur, on cherche les failles maintenant parce qu'on veut prouver qu'on a raison. On stick sur des détails des fois, puis jusqu'à temps que ce petit détail-là il est pas résolu dans le film, des fois on est comme non. C'est ça. Il y avait sa montre sur l'autre bras tantôt, là, mais, une niaiserie de même. Une Rolex, ça se peut pas là, dans un exactement. J'ai aimé un peu comment est-ce que tu parles de vous, ce que ça vient Transformers, parce que quand même Transformers reste dans notre bitcherie qui est devenue ce show-là de bitcher contre des gens qui bitchent contre Transformers. J'ai lu des commentaires. Puis Transformers a été. Premièrement, Transformers, c'est pas un film de critique. Fait que je m'attends aucunement que des critiques donnent une bonne cote. Je m'attends à voir une moyenne de 60 à 65% des moviegoers sur IMDb, des choses comme ça. C'est ça que je m'attends d'un film comme ça. Mais tu parles du original, ton fils qui regarde ça, qui est comme, what the fuck, dad? Même moi, je pense que c'est weird cette affaire-là. Ouais. Je vois des gens qui écrivent des commentaires. Comme Michael Bay a ruiné une franchise qui avait tellement de potentiel. J'ai été élevé sur Transformers. Là. J'avais des jouets de Transformers. Je trippais Transformers quand j'étais kid. Je m'attends rien de plus que des fucking robots qui se pètent dans la face, qui s'explosent, qui se tirent, qui se tuent, puis qui allent. Puis, attends une seconde. Pas trop. Transformers 4, t'as les Dinobots dedans. Qu'est-ce que tu veux de plus? Attends une seconde. Les gens chiales qui sont là pendant 15-20 minutes à la fin, gros spoiler tout le monde. Là. En passant, c'est épique quand ils sont là. Moi, je m'excuse, ça fait des astuces de cool de scène. Ils se demandent, ben, dites-vous ce qui sort. Ça a l'air que c'est des whatever. C'est tout weird. Ils trouvent ça trop stupide, le raisonnement des Dinobots. Ils ont clairement pas écouté saison avec les Headmasters, eux autres. Mais de un, ils ont clairement pas écouté comment est-ce qu'ils ont été créés dans les originales. Parce que dans, je pense, c'est saison 3, quelque chose comme ça, que les Dinobots ont apparu. Ouais. Ils ont carrément été comme what the fuck bâtis par Jazz, je pense, ouais. Dans leur base, où ce qu'ils ont dit, on a besoin de des gros fucking robots, fais-nous de quoi. Puis ils devenaient méchants un moment donné, puis ils revenaient. Ben, mais ils se réveillent, puis ils sont comme, puis ils s'attaquent, ils sont comme, they've gone crazy. Puis t'as Grimlock, qui est the stupidest thing in the world. Mais cool, le jouet était hot, par exemple. Le jouet, il était hot. Oh, ouais. Mais... What the fuck, là, c'est où le potentiel que tu veux là-dedans, là? On cherche un peu trop. Je veux pas attaquer ton TNMT parce qu'on a déjà touché ce sujet-là. TNMT, sais-tu quoi, TNMT, là, il y a du Christy de bon indie comic pour le backer. Fait que tu peux vraiment, vraiment backer ça puis t'estiner. Mais Transformers, là, je m'excuse. Là, mais si tu me permets, Eric, là, tu sais, premièrement, il y a une affaire, puis je veux faire une c'était référence. Il y a un livre que les gens doivent aller regarder. Okay? Premièrement, c'est un livre qui s'appelle Console Wars. Console Wars, qui a été écrit par... Donne-moi deux petites secondes. Blake G. Harris, que j'ai écouté, il était dans un épisode de Pointless il n'y a pas longtemps. Console Wars, ça parle de la guerre entre Nintendo et Sega dans les années 90. Sega qui a été lancé par Tom Kalinske. L'original Console Wars. L'original Console Wars. Tom Kalinske, dans le fond, pour les gens qui ne le connaissent pas, puis c'est pour ça que je vous invite à aller lire le livre, c'est incroyable, c'est le Moneyball du jeu vidéo, OK? Tom Kalinske, c'est le gars que Mattel a engagé. Puis là, je dis Mattel, mais... C'est Mattel qui sortait genre Final Fantasy dans le temps. En fait, Mattel a engagé Tom Kalinske parce que Barbie faisait faillite. Oh. Fait que Tom Kalinske est arrivé puis il a dit « Bon, ben Barbie a fait faillite, t'as peur. » OK, ouais, mais c'est normal, vous faites juste la femme au foyer puis tu te quittes. Ce que vous allez faire Barbie docteur, Barbie qui joue du tennis, Barbie qui fait à l'affaire. Il a relancé Barbie. Après ça, Tom Kalinske, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé He-Man. Tom Kalinske, il a dit « OK, t'as peur, on veut vendre des jouets, là. Mais là, Barbie, c'est bien le fun, mais les petits gars, eux autres, ils jouent avec quoi? Non, non, ça vous prend un gars. OK, on va créer He-Man. » Ben, crime, oubliez pas que dans les années 80, là, les séries qu'on adore viennent des jouets. Dans les années 80, les jouets arrivaient en premier. He-Man était une ligne de jouets qui est devenue une télésérie pour commercialiser le jouet. Ben, okay, ouais. Ben Transformers, c'était des fucking bébelles chinois-japonaises les TV, avant des d'être pubs. Une série télé. C'était des grosses pubs de 25 minutes, exactement, dans le fond, pour ton jouet. Parce que je me souviens, pendant He-Man... C'était quoi? Des pubs de bonhomme He-Man? Ben oui! Fait que tu sais, faut pas oublier que dans les années 80, la mentalité c'était, c'est-tu le fun? Ouais. Ben fuck it! On se fait du fun, pis let's go, pis on le commercialise, pis that's it. Fait que tu sais, les gens qui se disent à cette heure, là, pis c'est poche parce que les gens qui bitchent, c'est les gens qui ont grandi avec ça en plus. Non, en fait, je recommence à remarquer qu'ils ont même pas grandi avec ça. Ben c'est ça, soit ils ont pas grandi avec ça ou ils ont pas compris la vibe, mais ces gens-là, dans le fond, Chris, la télésérie originale, le cartoon original a été créé en fonction des jouets. Tu t'attends à quoi d'une sacrament d'histoire d'action? Pourquoi une profondeur incroyable là-dedans? Pourquoi qu'il ferait une profondeur de fou? C'est pas pour gagner des Oscars. Puis tu fais un parallèle avec Ninja Turtle, puis je vous en ai parlé cet après-midi. La deuxième mode, ces temps-ci. Premièrement, on bitch sur Michael Bay. Puis là, je vais faire ma roue qui tourne ces temps-ci. Okay. Michael Bay, c'est une couille. Michael Bay a gâché mon enfance. Là, après ça, ça va, ça. Ah, Michael Bay est pas si pire, il a fait des bons films. Ouais, mais Megan Fox, c'est une poire. Ah, tu veux tuer Megan Fox. Megan Fox, c'est une poire. Ouais, mais elle va scraper le rôle d'April O'Neil. April O'Neil. Tabarnak, c'est pas un rôle d'Oscar. La fille est un journaliste, elle trouve des ninjas mutants, elle prend une photo, puis elle se met dans la merde, puis après ça, ils viennent la sauver. Puis il y a des belles anges. T'es pas obligé d'avoir un esti de Nominated Academy Award pour aller jouer ça. Journaliste, c'est un terme lousse. Journaliste, c'est un terme très lousse. Genre, tu sais, un micro. Il y a plein de films, en passant, là, qui sont avec des female leads différentes. Mais si ouais, tu veux regarder ces films-là, sont disponibles. On n'est pas dans une ère puis le où pire c'est pas là-dedans, disponible. Là. Le pire là-dedans, c'est que dans la roue continuelle du cercle de haine d'Internet... Fait que tu sais, on était rendu à Megan Fox. Ben après ça, Megan Fox, c'est une poire, elle va scraper le film. Puis là, tout le monde. Ouais, mais le problème, c'est pas Megan Fox, c'est Michael Bay qui l'a engagé. Fait que ça retourne à Michael Bay au début. Tabarnak, attendez donc d'avoir le film avant de bitcher tant que ça. Puis moi, il y a une affaire qui me faisait chier. Même là. C'était l'affaire qu'il a réinventé la mythologie où c'était des aliens. Ben tabarnak, le gars, il a assez d'humilité que dans le dernier trailer, il se niaise lui-même. Il dit « They're aliens? No, they're mutants. » Puis tu sais, ils se niaisent eux-mêmes. Fuck! J'ai fait « Ok, ce gars-là, il avait créé de la merde. Il y a eu de l'engouement médiatique à côté. Mais il a l'humilité de se niaiser lui-même en disant « Ok, c'est un bad call. No such thing as on va bad se niaiser press. Nous autres, puis on va surfer cette wave-là, puis tu te quittes. » C'est rendu, à un moment donné, la haine envers ce terme de blockbuster-là. Là. Mais c'est un divertissement pur et simple. Mais c'est ça, c'est un juste peu, ça là, qu'il faut se dire. Un peu pour revenir sur le sujet principal de qu'est-ce qui est un blockbuster. C'est ça le but du blockbuster. C'est que tu mets bien... C'est une ride. C'est comme... Tu peux aller lire un livre à une maison de thé au centre-ville d'Ottawa, de Montréal, puis vraiment trouver ça cool dans une zone no-techno, puis... T'es vraiment t'avancer intellectuellement avec un bon débat existentiel entre amis puis un café. Ou tu peux aller sur le Goliath à la ronde. Sais-tu quoi? Un blockbuster, ben c'est le fucking Goliath, man. C'est pas le Cobra, par exemple, parce que le Cobra, il te casse les couilles. Ouais, le Cobra, mais le Goliath, t'es assis, tout va bien. Mais on comprend un peu, c'est comme si c'était une ride, là. Puis en plus, je voulais faire un parallèle. Tantôt, on n'avait pas trop parlé, mais c'est un peu ça que je voulais dire, en venir... avec moi qui parle de mes expériences au cinéma, parce que je vais encore au cinéma, j'essaie d'y aller une fois par semaine. C'est vraiment l'expérience cinéma, c'est quelque chose que pour moi est très importante. J'aime aller dans une salle, encore mieux quand il y a bien des gens sur une première. J'ai pas de généralisation de mauvaise expérience. J'ai entendu des gens qui disent que c'est vraiment chiant d'aller, puis après ça t'apprends qu'il y a juste le mardi. Ben c'est un peu normal, aller au cinéma le mardi, le premier du mois, tu vas avoir une mauvaise expérience, c'est la vie. Mais vas-y un matinée, un dimanche ou une soirée, vas-y dans les premières quand les gens sont en ligne pour voir un film. Mais l'expérience au cinéma pour un blockbuster, c'est très important. Gros cinéma, c'est une ride, man. Tu vas là pour voir des choses péter. Puis j'ai vu Transformers, j'ai vu des gens chier sur Transformers au début, parce que comme ils font à chaque Transformers en passant. Puis à cause de ça, ben j'ai apprécié le film encore plus, parce que de un, je m'avais créé zéro attente pour Transformers. Moi, tout ce que je voulais voir, là, c'est... Je voulais voir Optimus Prime arracher un robot par la colonne vertébrale, puis de l'huile qui revole partout. La violence la plus gratuite imaginable. L'huile, mais en robot. J'aime l'huile qui revole partout. Mais c'est quand tu vois les Transformers en 3D, là, t'as l'huile qui est le sang des robots, là, c'est très violent. Là. Parce que là, je vais aller le voir en 3D. Mais Eric, t'as dit un mot, puis selon moi, qui définit un peu le dilemme qu'on a, puis t'as parlé d'attente. Si tu t'en vas au cinéma, puis tu t'en vas voir Transformers, Captain America, Spider-Man, un film de Guardians of the Galaxy. Guardians of the Galaxy qui va sortir, un film de Roland Emmerich, un film de... Roland Emmerich, en passant, c'est le meilleur réalisateur qui a jamais existé dans l'histoire de l'humanité. Tu t'en vas voir Independence Day 2, mettons, parce qu'ils le font, puis il va sortir un moment donné. Oui. Puis tu t'attends à un jeu d'acteur incroyable, un scénario différent, et tes habitudes cinématographiques sont: j'aime des films de Woody Allen où il croise une fille qui a la moitié de son âge avec un dialogue cocasse puis des situations un peu d'humour noir. C'est très bon en passant. Ça va être super bon, mais tu vas être déçu. C'est sûr que si t'écoutes d'habitude, c'est con à dire, mais si tu t'attends à la même chose, tu vas être déçu. Ben, c'est ça. Si t'écoutes juste ça, puis que tu fais comme « OK, je suis game de mettre mon cerveau à off. » Bon point. Gère tes attentes. Ben, le pire, c'est quand j'entends des gens critiquer, puis on en niaisait un peu tantôt, je veux pas dire qu'on lisait des commentaires des gens sur le « qu'est-ce que on c'est ». On fait jamais ça. On fait jamais ça. Non. En passant peut-être futur podcast. Mais une chose que je dois dire, c'est que souvent, tu vas voir la première affaire. Michael Bay fait des très bons effets spéciaux, puis des belles explosions. Mais blablabla Megan Fox. Les trois premières phrases m'ont vendu un film en D-Box au centre-ville. Je suis désolé. Je m'en vais pas au cinéma Beaubien écouter Transformers. Je m'en vais voir Dinosaur Fucking Island à la ronde. Ah oui. C'est pas compliqué. Puis tu sais, d'un autre côté aussi, faut pas se méprendre. Blockbusters, ça peut être un titre qui va toucher à bien des choses. Tantôt, on parlait de Grand Budapest Hotel. C'est très centré. Ce film-là est très bien cadré. Niche, très bien cadré. Mais Chris, il a généré des revenus de fou, ce film-là, parce que là, Wes Anderson est en mode. Là, c'est le fun, puis il y a des acteurs là-dedans, des choses comme ça. Mais encore là, c'est l'inverse. La campagne marketing qu'il y avait autour de ça, puis tout le kit, c'est sûr, c'est pas un Transformers. Mais tu te retrouves où il y a peut-être des fans de Transformers, puis des affaires de même. Qui vont aller le voir. Qui vont aller le voir, puis qui ont fait comme... Tabarnak, c'est quoi ce petit film fucké là? C'est qui c'est, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Fait que tu sais, je pense que les attentes dans le domaine du blockbuster font une partie intégrale de comment on va se comporter en cinéma, puis comment on va se comporter surtout en sortant du cinéma. Quand on parle de Grand Budapest Hotel, puis Wes Anderson, puis tout, personnellement, je pense que pour lui, c'est un build-up. De Life Aquatic, Bottle Rocket, Rushmore. Tous les films qu'à un moment donné, le monde, ils font comme « OK, gars, j'ai découvert ces films, j'ai écouté les autres, c'est bon. » Ouais. Fait qu'à un moment donné, un gars devient à un certain niveau que ses films sortent, puis c'est considéré peut-être un blockbuster parce que tout le monde sait qu'ils vont faire de l'argent, puis tout, mais ça reste un film intelligent niche. Ou à part ou niche. Ouais. Puis là où que je veux en venir, puis que c'est un une des places, puis vous en avez parlé un peu dans un sens sans nommer la personne, ben moi, où que je suis devenu un fan de films plus intelligents, si on peut dire, puis même là, sans être nécessairement tout le temps intelligent, juste le genre de film qu'à un moment donné, tu te dis, j'écoute quelque chose, puis c'est vraiment pas ce que je pensais. Comme, donner un exemple, comme From Dusk Till Dawn. Ouais. T'écoutes les 15 premières minutes du film, peut-être même une demi-heure, puis tu fais comme, oh shit, j'ai embarqué dans une histoire de deux gars qui kidnappent un révérend, puis ses deux filles, son fils, puis sa fille, en tout cas, quelque chose. En moins de 10 secondes, ça flippe en film de vampire bâtard avec Danny Trejo puis plein de monde. Puis tu fais comme, what the fuck? Je sais exactement de quoi tu parles. Puis j'ai eu le même feeling avec Weekend chez Bernie. Ben. Deux gars qui kidnappent un gars mort. Tu fais comme, oh! Puis que tu figures comment faire une suite. Hey, encore plus, c'est incroyable quand tu y penses, ça, pareil. Là. Pour Weekend chez Bernie, c'est quelque chose. C'est un running gag qui dure trop longtemps. Walkman Voodoo. Mais moi, où je veux en venir, c'est des gens Tarantino. Ouais. Tarantino fait maintenant des blockbusters. Parce que quand un film comme Inglourious Basterds sort, ou Django, ou peu importe, ça vend au cinéma, le monde font des line-up incroyables parce qu'ils veulent voir la violence, puis ils veulent voir le dialogue incroyable. Même s'il y a une scène de 40 minutes pendant qui est un plan pas édité, rien d'un monologue, le monde va passer par-dessus pour voir du Tarantino. Mais t'as l'image de Mark Tarantino puis l'ambiance. Parce exact. Que regarde, Festival de Jazz, il y a pas longtemps, je pense que c'était Anime Trunks sur Instagram, Olivier Lucie. Olivier, ouais. Qui est allé voir un show de musique Tarantino inspired, dans le fond. Ouais. Fait que tu sais, on s'entend, ce gars-là a créé son image de marque cinématographique et s'est défini une place où lui, il a pris tous les éléments de la pop culture de cinéma puis il a réussi à se faire son propre style où c'est rétro jet set bobo un peu, mais calvaire, il rétro vend des billets. Mais il y a son assez sa clientèle pour être blockbuster. Exactement. Dans un sens, parce que, en tout cas, je sais pas pour vous autres, mais quand Inglourious Basterds est sorti au cinéma, c'était plein, là. C'était plein à craquer. Puis moi, j'étais en magasin dans le temps que ça sortit en DVD Blu-ray. C'était la folie encore ce matin-là. Ben, gars, Fury qui sort avec Brad Pitt dans pas long, tout le monde sort comme, hey, Brad Pitt est de retour avec les nazis, puis ça va partir. Puis ça a créé son image de marque, puis ça a laissé ses traces. Fait que tu sais, dans le fond, blockbuster, là, on se dit depuis le début, tu sais, est-ce que ça doit être nécessairement artistique? Est-ce que ça doit être un box-office génial? Mais tantôt, on disait, c'est ça, on disait blockbuster, c'est du box-office puis du visuellement écœurant. T'as deux, comme je disais au début, là, t'as du monde qui vise à être un blockbuster, t'as du monde qui devient un sleeper hit. Ouais. Fait que comme par surprise. Après ça, t'as des Tarantino, des choses comme ça. Que c'est des blocs. L'argent est investi, mais il vise pas la formule blockbuster, mais il est in. Il vise tellement niche que mais Tarantino, ça a pris des années. Hein. Ben, c'est pour ça le build-up comme, que je compare. C'est un build-up de comme 12 ans. Ben, à Wes Anderson. Parce ouais, que The Life Aquatic n'a pas fait des millions et des millions. Et ben oui, il a fait des millions, mais je veux dire... Ouais, c'est très bien. Je veux dire, ça a pris du temps, un build-up. C'est pas avec Jackie Brown puis Two Days in the Valley que Tarantino faisait ses millions et son nom, mais il gagnait des fans, puis à l'autre film, il en gagnait plus, puis à l'autre film, il en gagnait plus, puis quand que Death Proof est sorti, puis après, quand Inglourious Basterds... Mais est-ce qu'on s'entend que... Puis, tu sais... Un cinéma de répertoire niche n'est pas nécessairement un box-office. Vraiment. Mais d'un pas. Autre côté, par contre, un box-office n'est pas nécessairement. N'est pas double négation, mais un film box-office peut être du cinéma de répertoire, par contre. Aussi. Du cinéma de répertoire niche, parce qu'on s'entend que, justement, des Tarantino, des Wes Anderson sont capables d'aller driver et d'atteindre le statut du box-office, mais dans l'échelle des choses. C'est pas tout film devient box-office. Il est pas fait pour ça. Mais pas tout box-office n'est pas répertoire. Je peux-tu lancer Ryan Johnson là-dedans, juste pour le fun? Parce que j'avais dû en parler dans les nouvelles, là, mais lâche-toi Ryan l'os. Johnson, c'est un très bon exemple, là, avec Brothers Bloom, Brick, Looper. Puis, ben, regardons ça, monsieur va être en train de réaliser épisode 8. Puis ça a fait des 9. Grosses nouvelles, ça, honnêtement. Là. Puis ça a été rapide. Loopers, qui est un film qui avait carrément passé inaperçu, puis qui est devenu culte, par contre. Moi, Mike non, Factor, Looper, je l'ai pas trouvé. Il y avait un budget. Il y avait un budget, mais il n'a pas scoré son budget, par exemple. Non. Mais Brick puis Brothers Bloom, par exemple, là, on embarque dans le... dans du niche un peu. Looper a fait jaser beaucoup, par exemple. Il a fait jaser, mais c'est là que ça vient un peu à une question qu'on avait un peu tantôt. Puis je suis content parce qu'on peut faire le segue, puis on fait un loop back, puis c'est génial. Mais on va aller tuer les jeunes nous dans l'épisode genre 7. Puis ça va. Ok, non. Moi si je veux un jeune moi, je peux t'engager Ryan Gosling. Oh. Ça, c'est comme c'est comme vrai qu'il te ressemble. Tant qu'il apporte le rhum. Oui, le Gosling, le rhum qui vient de la Jamaïque. Mais. Bermude. Oh, pardon. Excuse-moi. Pardon. How dare I. Mais, tu sais, on se demandait tantôt justement, est-ce que blockbuster veut dire culte? Et est-ce que culte veut dire blockbuster? Parce que là, on a touché beaucoup répertoire niche, mais on n'a pas touché culte. Parce qu'on prend des films comme The Adventures of Buckaroo Banzai Across the Eighth Dimension. Big Lebowski, Rocky Horror, RoboCop que tu mentionnais. RoboCop, okay. Non, RoboCop c'était blockbuster, ça faut que je le dise, man, c'était un blockbuster. Okay. Il y a eu d'autres films qui sont. Je sais pas, j'ai rapport en disant ça, mais c'était vraiment comme vu comme un sci-fi Orion release. Là, prends le premier opéra de la terreur, là, le Army of Darkness, c'est devenu culte et sleeper dans c'est un devenu sens culte parce que et dans sleeper. Le temps ça a jamais été. Mais du attends, il y a eu une grosse distribution ce film-là par contre. Il était en poster partout dans tous les théâtres. Plusieurs années après. Mais est-ce qu'il a grossé au box-office? Est-ce qu'il est allé rechercher son capex, par exemple? Comme je te dis, c'était un big budget, wide release movie. Là. C'est pas Evil Dead là, où Sam Raimi en te demandait à des dentistes pour du cash. Là. Okay, il était bien financé, là, ce film-là. Si on compare vraiment Army of Darkness, ok, par après, il avait son nom un petit peu oublie fait. Pas, là, il avait fait déjà Darkman avant ça. Était aussi... Hey, Darkman! Ouais. Oh, boy! C'était bon, man! Ça, c'était creepy, ça! En passant... Regarde Darkman, tout le monde qui aime les films. Là. Regardez Darkman, puis ensuite, regardez Army of Darkness, puis ensuite, regardez Spider-Man 2. Puis je dis Spider-Man 2, parce que Spider-Man 1, puis on parle de celui de Sam Raimi, ouais. Spider-Man 1, il était plus attaché par Sony, puis il faisait pas grand-chose. Ouais. Mais Spider-Man 2, il y a tellement des scènes qui ressemblent à Army of Darkness, puis à Darkman, là, c'est ouais. Hallucinant, mm-hmm. Là. Doc Ock là, qui attaque là, puis tu vois comme la vue de chaque main, c'était du Army of Darkness puis du Evil Dead tout craché là. Anyway, je dérape là, mais c'est vrai. Moi Darkman, c'est peau qu'ils font. Ah oui. Puis super écran dans les années 80-90. Cinéma. Ouais. Moi c'était vraiment comme boîte illégale de marché avec le câble sélecteur là, puis t'es comme non, nous autres on payait pour super écran, c'était cool, mais juste 3 mois par année. C'est comme l'hiver, on prenait super écran et on l'enlevait l'été. Moi, je le vois toujours comme un vrai premier. Pas un premier, parce qu'il y en avait bien avant ça, mais c'était comme le début du comic book moderne au cinéma. Puis je sais même pas, si c'est basé. C'est-tu basé sur un comic book? Darkman, The Shadow, puis mais The Shadow The avec Phantom, Alec Baldwin, c'est une chose, là, mais... Ouais, ça, c'était quelque chose, pareil. C'était-tu The Shadow? Non, c'était The Shadow. Phantom. Non, Phantom, c'était avec... le dos dans mauve, qui a un morph suit mauve, comme moi, mais pas de... Mais c'est celle-là avec Alec Baldwin. Face. Non, c'est Shadow avec Alec Baldwin. C'est-tu... Ah oui, ça l'est. Ouais. Ouais, je l'ai vu au cinéma, je le dis pas fort, là, mais... J'ai vu Phantom aussi. On a ruiné le segway à André. Là. Mais moi, il y a un film que c'est con à dire, puis ça a été culte un peu pour moi. Puis je suis en train d'essayer de le trouver sur IMDb. Je vais vous parler en faisant mes recherches, mais il y a une série télé qui est sortie il n'y a pas longtemps qui était Helix de Sci-Fi, qui est un peu un genre d'affaire de virus dans un... Ça n'a pas rapport avec Pokémon. Dans des montagnes en Alaska ou quelque chose de même. Puis là, il faut qu'ils recherchent le virus dans une base cachée. Puis, écoute, honnêtement, ce film-là, il y avait un film des années 80 qui me faisait passer à ça. Puis, il y a beaucoup de comeback. Parce que, tu sais, là, présentement, il y a une grosse reproche aussi qui est faite des blockbusters à Hollywood. C'est que les histoires ont déjà été faites. Puis c'est beaucoup de reboot, puis c'est beaucoup de reimagine, puis des choses comme ça. Puis d'un autre côté, ça c'est un autre un peu tabou qu'il y a à propos des blockbusters. Les gens bitchent ça en disant « Chris, Hollywood a plus d'originalité, ils peuvent pas inventer de nouveaux contenus. » Mais moi, je vois ça plus comme un « ils peuvent enfin le faire comme qu'ils avaient voulu le faire la première fois. » Parce que la technologie est indisponible. Puis présentement, je suis juste en train de chercher le putain moi, de personnage. Moi, je suis d'accord avec toi quand tu dis ça. La seule affaire... C'est que quand après ils basent le reboot seulement sur une nouvelle technologie, ça fait vide des fois. Oui. Parce que dans le temps, il fallait qu'ils se forcent un peu pareil parce que, gars, on l'a pas nécessairement la technologie pour faire les bébites écœurantes ou quelque chose. Mais prends exemple Alien, là. ils réussissent à te remplir un film avec du bon contenu pareil, puis des affaires de même. Même si quand tu vois l'Alien, tu fais comme « Ah, c'est un sac à vidange mouillé, là. » C'est évident, là. Tu sais, quand tu la regardes, le Blu-ray aujourd'hui, là, le Blu-ray, tu le vois en tabarouette, le sac à vidange, là. Mais l'histoire est assez bonne, puis le suspense, puis de la façon que c'est fait pour te garder dedans. Tandis qu'à Star, des fois, je comprends quand le monde, ils disent « Non, tu sais, ils ont lésé un peu les ses côtés ou de quoi. » C'est comme « Oui, tu vois la bébite full blonde dans ta face, faite à l'ordi, puis tout. » Puis c'est là que tu fais comme « Ouais, ça me semble ça enlève un peu le mystère. » C'est ça, me semble que c'était plus hot quand je voyais juste un petit bout de nez dans l'ombre. Mais c'est là que ça devient un peu, tu sais, puis c'est une job de réalisateur, c'est une job de directeur de la photographie. Mais tu sais, c'est justement comme tu dis, est-ce que le fait qu'on voit pas la bébite entretient l'imaginaire puis une crainte? Versus, ben là, il la montre, puis il aurait pu la faire dans le temps, mais il n'y avait pas la technologie. Puis là, il nous la montre, puis on la voit. Puis là, on le voit, l'alien. Puis là, c'est trop dans notre face. Fait que, tu sais, c'est un peu plus, les affaires. Il n'y a plus de place à l'imagination. Puis c'est l'imagination qui fait le plus peur. C'est une peur. Des craintes que j'ai envers TMNT, qui va sortir cet été, parce que, souvenez-vous, le premier film de TMNT, tu ne voyais pas nécessairement dans ta face dès le début. Puis c'était une des craintes que j'avais jusqu'à temps que je vois le deuxième trailer où... Quand ils se battent dans le métro, hey, tu vois, ça revole de partout, puis tu te quittes, puis tu penses tu vois quelque chose, mais tu les vois pas nécessairement. Puis ils entretiennent un peu ce mystère-là, pareil, puis c'est ce que j'ai trouvé cool. Je pense qu'il y a un build-up cool. Jusqu'à Shot, où ce que April O'Neil est en snapshot. Là. J'espère qu'il y a ce build-up-là, parce qu'il est important quand même, parce que, tu sais, ça fait partie de leur personnage. Moi, je veux juste un arcade pour les Foot Soldiers. Je pense que un des bouts importants dans ce genre de film-là, c'est nous autres, justement. Tu l'écoutes, puis tu restes captivé. Ouais. Parce que t'es comme, t'es sur le bout de ton siège, je vais le voir, je vais le voir bientôt, je vais-tu le voir là, je vais-tu... Mais tu vois, non, pas de suite, tu le vois plus tard. Ce côté-là est beaucoup plus important pour moi, puis tu sais, je suis un gros puriste de Ninja Turtles, je vais l'avouer, moi j'étais offusqué par les aliens, puis je suis très honnête. Écoutez, avec ça. Écoutez aux premières début, émissions, puis... si vous êtes au premier, là, ouais, André... J'étais offusqué par les aliens, mais par contre, il y a une affaire que je comprends, puis qui m'offusque pas. Puis il y a des gens ces temps-ci, c'est comme, hey, les Foot Soldiers, c'est rendu qu'ils ont des guns, puis... OK, en 2014-2015, c'est beaucoup plus plausible une armée de ninja terroristes avec des M16 qu'une gang de voleurs ninja avec des smoke bombs et des katanas. Tu sais, c'est comme... Oui, ça aurait été le fun, des katanas, mais tant qu'à graffiner et accrocher sur des détails, tabarnak, évolue avec le temps. Gars, équipe des ninjas avec des M16... sont aussi silencieux puis meurtriers. Mais ils ont des hosties d'M16. Ils ont pas un katana, là. Ils ont pas... juste ça de plus. Ils ont juste ça de plus. C'est évolué avec le temps, tu sais, à la limite. Ils là, ont des monde, nez en plus. Ils voient... Hey, puis c'est ça, puis ils ont des nez. Oh! Ils ont un nez. Okay. Arme de destruction massive. T'es parti d'un alien qu'il était plus un mutant ninja tortue. Il était un teenage alien ninja turtles. Puis c'était peut-être même plus des Turtles, parce que ça vient d'une autre planète. C'est fait ça. Mais, tu sais, c'est comme, ils préservent ça, mais là, ils ont un nez. Le nez, c'est lettre. Il ressemble à Shrek, puis telle affaire. OK, gars. Un moment donné, je sais pas si vous avez vu le film, puis je vais mettre le lien, c'est une vidéo YouTube. Scientifically Accurate Ninja Turtle. Ouais. Oui. OK, premièrement, là, allez écouter ça, puis après ça, dites-moi si le nez vous dérange. Parce que, calvaire, c'est pas si pire que ça. J'y trouve le fun. Je trouve la chimie qui est là. Puis ça, le deuxième... Puis ça, c'est une affaire que j'ai trouvé hypocrite un peu. Parce que tout le monde, c'était comme... Ah, c'est-tu que ça va être de la merde? Là, ils voient le premier trailer. Ah, c'est-tu qu'ils sont lettres? Là, ils voient un autre trailer. Le Shredder s'est rendu un Transformer. Puis ils voient le dernier trailer. Ah, finalement, ça a l'air correct. Fuck off. Ils t'ont juste montré de l'action un peu plus. Puis t'inquiète. Puis là, t'oublies le nez. T'oublies Shredder. T'oublies telle affaire. Le monde capote un peu. Je reviens rapidement à mon film que je cherchais tantôt. Pour les gens qui ont écouté la télésérie Helix, si vous ne l'avez pas écouté, écoutez-les. Je ne sais même pas ce que vous faites à nous écouter. Ben, OK, vous nous écoutez parce qu'on n'est pas pire. C'est parce que Helix ne joue pas présentement. Helix est en season métro, break, moment, mais là. Écoutez Helix. Puis après ça, allez écouter le film Warning Sign, qui est sorti en 85, qui est un thriller, avec G.W. Bailey. G.W. Bailey, pour ceux qui se rappellent de lui, c'est le capitaine Harris ou le commandant Harris dans Police Academy. Celui qui fait plus vite, plus vite, plus vite. Ben, lui, il joue là-dedans. Puis c'est un genre de film qui est sorti en 85 où il y avait un virus qui se répandait dans un building, la CDC. Puis là, le monde, il virait fou. Puis il y avait le goût de s'entretuer entre eux autres. Puis il y a des gens qui rentrent là-dedans pour essayer d'arrêter le virus. Puis tout le kit. Puis les gens qui disent qu'Hollywood n'a plus d'imagination, n'a plus d'idées, ils en ont fait en sacrement des films d'Hollywood. Knock, knock. Qui est là? G.W. Lewis. G.W. Lewis où? That's Hollywood. Excuse. Mais c'est un peu ça pareil, tu sais. Okay, mais l'originalité. Voulant dire que... Chris, faut arrêter de dire à un moment qu'ils n'ont plus d'imagination, mais gars, ils en ont fait en calvaire des films. Faut là, que je dise de quoi sur l'originalité, là. Vous écoutez un podcast en ce moment, vous aimez les podcasts. Écoute TED Radio Hour, qui est un podcast de NPR, une de leurs émissions de deux semaines passées. Anglophone, oui. En passant, puis NPR, c'est de la coche là, quand ça vient à production de qualité pour les podcasts, mm-hmm. Et puis la radio aussi en général. Mais le dernier NPR TED Radio Hour, qui est juste une collection de plein de TED Talks qui n'en parlent d'eux, puis qui parlent avec la personne qui est en question pendant le show, c'était sur le thème « C'est quoi qui est original? » Puis je m'excuse, là, mais les gens qui bitchent sur la manque d'originalité comprennent pas comment est-ce que l'humain fonctionne. Puis je m'excuse d'aller loin comme ça, là, mais nous, l'humain, on devient qui qu'on est, puis on évolue comme qu'on est en améliorant des choses qu'on aime. Ça fait partie de notre code génétique. Je vais prendre un exemple. On peut pas le changer, ça. Là. Homer Simpson l'a déjà dit. Pourquoi pas prendre quelque chose qui fonctionne déjà bien puis juste crisser une horloge dedans? Non, mais... non, mais pour de vrai. Acheteur 2014, ça serait crisser une prise USB dedans. Moi, je vais te pousser ça plus loin. Quand tu joues à Rust, tu commences avec une roche. Puis à un moment donné, whoop, tu fais une hache en roche. Ouais. Ça, c'est un bout de roche attaché à une hache. C'est pas de Minecraft, là. Non, dans Rust. Dans Rust. Excuse. Il y avait des zombies qui sont devenus des loups, là, puis des ours. Suis, Eric Collis. Mais... Puis là, t'as ta roche qui devient une hache. Puis après ça, ta hache, elle devient que c'est une hache en fer. Puis là, après ça, ben, whoop, tu peux avoir un pic. Puis dis-en, finalement, ben, calvaire, c'est tout un outil que tu te sers pour piocher sur quelque chose pour faire de quoi. Fait que c'est effectivement ça. C'est qu'on. L'apogée de la race humaine, ben, c'est de prendre quelque chose qui existe déjà, puis l'améliorer jusqu'à temps qu'il soit parfait. Mais fait la perfection n'existe pas. En gros, la hache de fer, c'était pas original. C'était juste une copie de la hache de roche qui était une roche. Ils ont juste rajouté un nez sur la hache. Exactement. Okay, je l'arrête, là, on embarque dans une très bonne discussion existentielle. Non, mais c'est il ça, manque pareil. Un feu de camp puis une forêt qu'on va être pris dans la soirée. Juste pour compléter ton argument, là. Il n'y a pas d'argument. Non, mais qu'est-ce que tu es en train de dire, là, sur l'originalité? Ah, oui. J'ai lu un article, et ça, il y a très longtemps. Et en 2001, ça fait quand même 13 ans. Ouais. C'est que ça fait longtemps. En ça. 2001, à partir de ce moment, tous les accords possibles, combinaisons d'accords possibles, une après l'autre, sur une guitare, avaient été enregistrés dans un major studio. Donc, depuis 2001, techniquement, toute la musique qu'on écoute est en quelque part une copie d'une autre chanson qui a déjà été enregistrée par avant. Donc, c'est facile de dire que depuis ces années-là, tout, tout ce qui a été enregistré après Spaceballs est une pâle copie de ce film-là. Exactement. C'est pas pour rien que, c'est con à dire, mais tu sais, depuis ces années-là, ça explique une apogée de la musique électro et hip-hop, oui. Qui sont souvent des loops et des samples de musique repris, qui font juste racheter par après les enregistrements ou samples ou droits d'auteur de composition de ces affaires-là, qui sont juste remis à une saveur du jour, mais qui appartiennent à d'autres mondes. Fait que l'originalité n'existe plus. Mais je vais me permettre, si vous me permettez, parce que je me le permets moi-même. Donc moi, je te le permets, André. Si vous me le permettez, Melter, t'es à l'aise avec ça. Je nomme le mot « permet » juste pour ajouter au nombre de fois qu'on vient de dire. Avant que tu vas trop loin, là, Google Four Chords, Axis of Awesome, c'est justement ce que tu dis, c'est une chanson qui a quatre accords, puis t'entends plein de chansons que tu connais déjà. Exactement. Qu'est-ce que t'en allais dire? Moi, ce que je m'en allais dire, c'est que au fond de la pensée, il y a deux manières de voir les films. Puis on prend tout ce qu'on a couvert ce soir. Puis là, pour ceux qui sont pas vides d'un podcast puis qui ont jamais écouté l'émission, je suis en train de rapper puis on va finir l'émission dans pas long. Mais il y a deux manières de voir le cinéma. Si je me fie à tout ce qu'on a dit ce soir, puis je vais encadrer ça dans une belle boîte bien définie, là. Il y a la manière artistique où c'est l'évolution de l'art, c'est le renouveau, c'est les prises de vue, c'est le dialogue, c'est le sentiment, c'est l'appartenance. Et il y a l'aspect divertissement, où je m'en vais au cinéma, j'oublie ma semaine de marde pendant une seconde, puis j'écoute un film, je mange un popcorn, puis je me paye une ride d'une heure et demie, deux heures, 190 minutes pour la moyenne ces temps-ci. 3 heures pour Transformers. 3 heures pour Transformers. Pour de vrai, là, 3 heures. Oui. 3 heures. 3 heures de gros robots géants qui se tapent sa gueule. C'est oui. Écœurant. Ouais, mais c'est ça. C'est écœurant. Parce que tu pourrais dire 3 heures de gros robots géants en qui se tapent sa gueule. En 3D en plus. Ah! Mais tu sais, okay. Il y a les deux manières de penser. Puis le problème, c'est que souvent, une manière tape sur l'autre. Voulant dire, t'es pas assez artistique. T'es trop artistique, t'es pas assez divertissant. Je pense que ce qu'on voulait vous dire ce soir, c'est tout simplement c'est que à 380 quelques millions, là, Transformers 4, là, hey, c'est un épisode de podcast de 2 heures pour vous dire que à 380 quelques millions de box-office Transformers 4, là, vous avez beau vous ostiner sur Internet ou votre blog ou votre podcast à dire c'est de la merde, il y a quand même du monde qui sont allés le voir, le calice de film. Deal with it. C'est justement, acceptez-le, puis c'est tout. Puis, est-ce qu'on peut faire une prédiction loufoque? C'est pas sûr, là, mais avec des revenus comme ça au box-office, il va peut-être avoir un Transformers 5. En fait, il est déjà en production. Fait qu'il y a un Transformers 5 en production, puis les gens vont pis, les écouter. À la fin du 4, le sequel il est déjà placé assez... Il est là, là. Moi, tant que Mark Wahlberg est signé... Tu veux qu'Astrotrain vient, toi? Ouais, c'est ça que t'as dit? Ouais. Tant qu'Astrotrain est là, moi, je suis heureux. Moi, je pense qu'on commence à vivre une époque où que certains films vont plus juste arrêter à des trilogies. Non. Je pense qu'on... C'est con à dire, mais je pense qu'on est pogné avec Transformers jusqu'à temps qu'on soit dans des hospices à se pisser dessus. Là. Qu'on arrête d'aller voir Transformers, il va arrêter d'en faire, mais tant qu'on va y aller... Parce que vous pouvez tout bitcher sur votre Facebook... Faire un hashtag sur Twitter où vous ostinez entre vous autres pour dire que Michael moi j'aime Bay, pas Michael Bay, c'est de la merde, puis Megan Fox c'est une poire. Ben, il y a quand même du monde qui vont voir leur film, puis ils vont quand même en faire d'autres des films. S'il y a eu 8 Saw, 8 Fast and Furious, puis il y en a d'autres qui s'en viennent. Il y en a d'autres qui s'en viennent, là. Pourquoi qu'il n'y aurait pas 8 et plus Transformers? Avec un des personnages principaux qui est fucking mort. And they still go with it. Mais là. Ouais. On puis parle le de Fast pire and Furious, là-dedans, là. Pourquoi pas? On va vous laisser avec ça ici ce soir. Pensez à ça. Pourquoi pas? Un box office, un blockbuster, un film artistique. Pourquoi pas? Puis pourquoi tant de haine? Pensez à ça. On est le Geek Collectif. Oui. Mon nom est André Paquette. Vous pouvez me suivre sur Instagram @uzumakiqc, sur Twitter @uzumakiqc, sinon sur Facebook André Paquette. Vous pouvez me retrouver là-dessus, puis on va pouvoir dialoguer avec plaisir, joie et entrain. Milton, les gens qui voudraient interagir avec toi? Sur Twitter, @zombiemilter, sur Facebook, à mon nom. C'est facile à trouver, il y a comme beaucoup trop de monde. OP, même si tu me cherches pas, tu vas me trouver avec mes posts qui se font sharer ces temps-ci, c'est beaucoup trop abusif. C'est quoi j'ai d'autre? Twitch, Zombie Milter, je Twitch du Guacamele ces temps-ci. Xbox One, Milter, ben toutes les consoles. Milter 187, go Eric. Montréalien un peu partout, là, sur Facebook, sur Xbox, Twitch. Sur Steam, sur Twitch. Je te vois tout le temps popper, puis je te regarde. J'apparais un peu, j'ai remarqué, c'est beau. Un petit shout-out aussi à Eratel QC. J'ai reçu un beau invite et un beau message de lui sur Xbox Live. Un nouveau papa qui n'a pas le temps de gamer. Désolé, mon homme, là, moi, j'ai pas de kill. Je feel Eratel. ouais. Game quand on a le temps, man. C'est puis ça, on Milter en profite. Moi, j'ai pas de moins, on gamera pas ensemble parce qu'on aura sûrement pas le temps ensemble. Mais puis, ouais. Puis, sport, man. Sport. Amazing Spider-Man 2, c'est de la crise de marde. André. Donc, nous sommes disponibles sur iTunes. Vous pouvez également nous laisser certaines cotes, donc iTunes 5 étoiles de préférence. Laissez-nous vos commentaires, honnêtement, on aime ça. Améliorer notre formule, travailler avec vous autres, interagir avec vous autres aussi. T'sais, on fait ça, veut pas pour faire ça. On avec est des vous. Mutants, pas des extraterrestres. On n'est pas juste trois guignols en arrière de des micros qui parlent. T'sais. On fait ça pour jaser avec du monde. On veut vos opinions, les choses comme ça. Donc sur iTunes, sur le geekcollectif.com, nous sommes partis. Nous faisons partie aussi également de RZO, rzoweb.com. Pas vous avez RZO trouvé, Brésil, je répète. Pas RZO toujours. Brésil, pas rzoweb.com. RZO, non. Vous allez pouvoir trouver à ce moment-là des centaines de podcasts. J'ai écouté cette semaine justement l'épisode de Rétro Nouveau où ils sont en route pour Ottawa dans l'auto. Super bon épisode. Allez regarder ça. Il y a des Game Chasing. Il y a Tester Alpha qui va être au Geekfest à Québec. On est un regroupement de podcasteurs québécois. Vous allez trouver du bon contenu là-dessus, c'est sûr et certain. Moi, pour la toune de la fin, un petit tribute à Emma, vu qu'on a fait un épisode de lutte dernièrement. Ben, Emma de la WWE, ben, gros respect. Tu t'es fait pogner dans un Best Buy cette semaine à voler un case de iPad malgré tes millions et tes millions de dollars que tu fais. Fait que on fait-tu jouer sa toune thème qui est vraiment de la merde en plus, là? Puis qui est klepto un peu. Un peu, ouais. Puis, en tout cas, on fait-tu jouer ça comme toune de fin? On se laisse cette semaine. Pas à la flûte. La chanson. Mais à moins qu'on la trouve. Ouais. Non, écoute, je pense. On la trouvera pas à la flûte, je pense. On va gâter nos auditeurs. J'annonce officiellement qu'on abandonne la flûte. Non, ben. Les tounes de merde, on n'abandonne pas. Fois-ci, on n'abandonne pas les tounes de merde, mais la flûte est abandonnée. On donc, a fait cette le semaine, tour. Emma. Le Titantron Team de Emma de la WWE. Fait que. On t'a dit 17 tounes en l'honneur de ton casing d'iPad qui t'ont sûrement saisi quand ils t'ont arrêté. Oui, c'est ça. Fait que. Bonne toune. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve dans deux semaines. Toune de lutteuse. Bye.